Vous aimez les films qui font peur, vous aimez les films avec des retournements de situation, vous aimez les films avec de la tension, vous aimez les films où à la fin le gamin il dit qu'en fait depuis le début il voyait des gens qui sont morts, alors vous aimerez ce numéro de Parlons Péloche. Et oui, vous l'avez compris, dans Parlons Péloche aujourd'hui, il sera question du thriller. Le thriller est un genre cinématographique utilisant le suspense ou la tension narrative pour provoquer chez le spectateur une excitation ou une appréhension prompte à le tenir en haleine jusqu'au dénouement de l'intrigue. Mais ça, c'est ce que nous dit Wikipédia. De notre côté, autour de la table, nous allons tenter de définir nos propres codes du thriller. Nous nous demanderons également ce qu'est devenu ce genre aujourd'hui à travers 10 thrillers sortis sur ces deux dernières années. Et enfin, nous répondrons à ce dilemme, quel est le meilleur thriller entre Seven et Le Silence des Agneaux ? Pour traiter de tous ces sujets avec nous aujourd'hui, vous la connaissez sûrement car dans Psychose, c'est elle qui a doublé le cri de la meuf sous la douche, Béa. Bonsoir Béa. Bonsoir Thomas. Également avec nous ce soir, vous le connaissez sûrement car dans Seven, c'est lui qui joue le rôle du gars qui vient livrer en colissimo avec signature la tête de la femme à Brad Pitt, Tristan. Bonjour Tristan. Bonsoir Thomas. Vous le connaissez sûrement car dans Le Mystère de la Chambre Jaune, c'est lui qui a décidé de peindre la chambre en jaune paille plutôt qu'en jaune topaze, Antoine. Bonsoir Antoine. Bonsoir Thomas. Et enfin, vous le connaissez sûrement car c'est lui qui a fait goûter pour la première fois un steak tartare à Hannibal Lecter et après ça a dégénéré, Kamel. Bonsoir Kamel. Bonsoir Thomas. Et bien maintenant qu'on a fait ce petit tour de table bien sympathique, on passe tout de suite à la première séquence de l'émission, le tas de beaux yeux tu sais. T'as de beaux yeux tu sais. Le tas de beaux yeux, tu sais, nous allons définir ce qu'est le thriller à travers les yeux de nos chroniqueurs et isoler les mots-clés propres à ce style cinématographique pour savoir qu'est-ce qui nous pousse à aller voir un thriller au cinéma. Je l'ai dit dans l'introduction, nous avons parlé de suspense, de tension, d'excitation, mais qu'en est-il pour vous autour de la table? Quand vous faites le choix d'aller voir un film qui est catégorisé thriller, qu'est-ce que vous attendez? On commence par Béa. Du frisson, bien sûr. Du frisson, c'est-à-dire... Effectivement, de l'excitation... C'est pour ça que tu prends ta voix de chaudière, les gars. Je me suis dit, pour bien commencer, nous allons commencer par le frisson. Béa, c'est la caution sexe de Parlons Péloche, il faut le savoir. Donc oui, du frisson, de l'excitation, du suspense. Excitation, suspense, frisson. Des sensations. Des sensations. Est-ce que vous êtes d'accord avec Béa autour de la table? On va parler à Kamel tout de suite. Oui, Thomas. Kamel, c'est la caution, je m'en fous de l'émission. Donc oui, Kamel, qu'est-ce que tu attends? Tenu en haleine durant tout le film, avoir une pression qui est constante. Une pression constante? Ouais. Disons que c'est ça que je considère comme un thriller. Pourquoi pas des retournements de situation inattendus. Tu veux dire par exemple un cliffhanger? Ça n'a rien à voir. C'est un film avec c'est un film avec Sylvester Stallone qui joue un clip de montagne. Alors cliffhanger. C'est rebondissement le mot. Un rebondissement, voilà, des rebondissements ou un twist. Hein. Un twist est un rebondissement qui se passe en fin de film. Souvent, on en a dans les thrillers. Donc le twist. Tristan, maintenant, qu'est-ce que tu attends toi quand tu vas voir un thriller? Je m'attends à me poser cette question. Et si ça m'arrivait? Oh, c'est beau. Oh. Donc on est dans l'introspection avec Tristan. Exactement. Tristan, c'est la caution philosophie de l'émission. Donc tu te mets à la place du héros du film. Du coup, toi, quand tu vois un thriller, tu vas voir ça, pour te mettre à la place du héros et voilà, te dire c'est je suis dans le frisson à la pétoche. Mais avant tout, c'est voilà, on se pose la question et si ça m'arrivait et si j'étais à la place du personnage principal. Et Tristan qui adore les dents, qui adore la mer, donc qui est fan des dents de la mer. Donc quand tu te mets à la place, tu as peur de te faire bouffer par un requin en fait. Et oui. C'est ça qui se passe. La peur de la mer. La peur de la mer, c'est un sujet beaucoup traité dans les films de Pedro Almodovar, par exemple. C'est psychologie aussi. Eh ben, c'est Antoine. Antoine, on nous écoute sa jolie voix, Antoine. Antoine, qu'est-ce que toi tu attends quand tu vas voir un thriller? Moi, ce que j'attends quand je vais voir un thriller, c'est une construction aux petits oignons. Une construction aux petits oignons qui t'amène peu à peu à te mettre un peu en stress tout le temps et à te tenir en haleine jusqu'à un twist final qui te mindfuck. Donc être tenu en haleine comme un petit peu Kamel. Et donc il faut savoir que Antoine, quand il voit un film, il est méga chiant avec tous les détails. C'est quelque chose d'important à savoir. Donc la construction, ça m'étonne pas que tu répondes ça, Antoine, ça. Sur un thriller. Donc on a du frisson. Tu as autre chose à dire peut-être, Antoine? Oui, je suis la caution Trouduc, hein, de je suis celui qui pourrit les films que vous aimez, voilà. Tu pourris les films et les thrillers. Alors, est-ce que t'as autre chose que la construction de petits oignons? Qu'est-ce que tu attends d'un thriller? C'est ça, moi ce qui me plaît c'est le twist. C'est un peu être surpris, enfin être pris au dépourvu. Le contre pied qu'a pu prendre un auteur ou ouais, tu veux un contre-pied, mais que ce soit logique en gros. Exactement. Qu'il tombe pas de nulle part. Exactement. Moi, je pourrais rajouter quelque chose aussi. Vas-y, ma belle Béa. Il y a un côté course contre la montre. Enfin, ouais. J'aime, voilà, quand il y a du timing, c'est souvent, il y a du timing, quoi. C'est, une oppression. Voilà, le temps passe et c'est ça qui fait que ça va créer encore plus de tension. Du coup, Speed est un thriller. Bah, nous verrons ça tout de suite, hein, juste après. Moi, je pense qu'il faut Keanu Reeves. Je le mets dans les mots-clés. Hein. Pour qu'un film soit un thriller, il faut Keanu. Alors, je mets Keanu. Tristan, tu voulais rajouter? Oui, Fast and Furious, mais de 1 à 7. De 8 et moins un peu moins thriller que les autres. Je pense que le monde du cinéma est tout à fait d'accord avec ça. Ça cautionne pas le Walker. Frisson, excitation, cliffhanger, twist, introspection, pression, tenue en haleine, rebondissement, construction, être surpris, une course contre la montre et Keanu Reeves, c'est donc les mots qui ont été donnés sur le thriller. On pouvait rajouter également les fausses pistes, les rétentions d'informations, un angle intéressant aussi que les poursuites et les combats soient traités différemment que dans un film d'action. On verra ça tout à l'heure quand on parlera de Bloodfather. On est vraiment obligé d'en parler. Un joli film. Malheureusement, oh, oui, ce sera... Okay. Oh, c'est dur. Bah, t'as remarqué que je ne l'ai pas dit dès le résumé du podcast. C'est bien fait. Il fallait pas parler de Bloodfather dès le début parce que déjà qu'on sait pas qui va nous écouter, mais là on aurait été sûr que personne ne nous aurait écouté. Un film caractérisé par le méchant, les rebondissements, on en a parlé, l'échappatoire impossible, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Béa, l'oppression, la vie menacée ou celle des proches, une tension qui monte progressivement, c'est ce qu'a dit Kamel, et un atmosphère sinistre et menaçant. Maintenant que nous avons notre définition du thriller, nous pouvons passer à la deuxième partie de cette émission, le nom de Zeus. Le nom de Zeus, c'est le moment de l'émission où on fait un tour d'horizon de 10 films de ces dernières années qui ont été catégorisés comme étant des thrillers, pour voir ce qu'est devenu ce genre aujourd'hui. Nous allons donc nous intéresser ce soir à Room, L'Homme Irrationnel, La Fille du Train, The Neon Demon, Instinct de Survie, Nocturama, Bloodfather, Ten Cloverfield Lane, The Strangers et Nerve. On commence par Room, donc Room réalisé par Lenny Abrahamson avec Brie Larson oscarisé et Golden Globisé pour son rôle de Joy. Le synopsis en gros c'est l'histoire d'une femme enfermée avec son fils dans une pièce de 10 mètres carrés par un ravisseur répondant au doux prénom de Old Nick, vilain Nick en VF. Durant le film, Joy fait croire à son fils que la Room représente l'intégralité du monde jusqu'à ce que pour ses 5 ans, elle lui annonce qu'il existe autre chose que la Room et qu'elle décide de trouver un moyen de s'en échapper. Alors qui déjà l'a vu autour de la table ? À peu près tout le monde, je pense. Ouais, ouais. Tout le monde l'a vu ? Tout le monde l'a vu. Vous avez bien fait vos devoirs. Donc, on a un film qui est vu par Kamel. Vous allez voir au fil du podcast que c'est un événement. quand Kamel a vu un film. Alors, qu'en avez-vous pensé autour de la table ? Je vais une fois de plus être galant. Béa, en quelques mots, qu'est-ce que t'en as pensé de Room ? Si je le regarde uniquement comme un thriller, je dirais que le début est effectivement un thriller. Avec la moitié, on va dire. Voilà, il est vraiment en deux parties ce film. Donc une première partie effectivement avec une souffrance psychologique, voilà, un suspense aussi, voilà, comment vont-ils avancer. Du vomi aussi. Aussi, beaucoup. voilà, moi j'étais un petit peu du coup refroidie par la deuxième partie. Qui tombe un petit peu à plat pour moi. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter, son avis à donner sur le film Room? Oui. Tristan? Oui, moi. Moi, pour résumer, j'ai aimé que quand le petit se barre. Pour résumer. Hein. La scène qu'on a appelée entre nous la scène du tapis. Il faut savoir. La scène du tapis. Voilà. On dirait un film avec tonton. Ouais. Et surtout à l'arrière du pick-up. Voilà. La scène à l'arrière du pick-up où le gamin découvre le ciel qui défile le long de la route, conduit par Old Nick. Bah de toute façon, on va parler de cette scène juste après. Donc on a le droit de spoiler à fond là. Là on peut spoiler. Hein, de toute façon, c'est déjà un miracle si les gens continuent à écouter après l'intro. Est-ce que Kamel ou Antoine, vous avez quelque chose à rajouter sur le film? Parce qu'on va reparler de cette scène, ça va être l'objet d'une question, de la question sur ce film. Moi, j'ai bien aimé ce film, globalement. Je trouve qu'il est très intéressant dans sa construction, hein, parce que moi, c'est ce que j'aime. C'est vrai qu'il n'y a pas d'erreur, je pense. Hein. Non, il y a très peu d'erreurs. Il est très cohérent. Et la deuxième partie, pour moi, elle prend sens. Parce qu'en fait, c'est tout se fait par la vision de l'enfant. Mais du coup, tous les moments d'euphorie ou autre qu'on aurait pu avoir, parce que la mère retrouve sa famille ou autre, tout ça, on le voit pas. Parce que l'enfant, il connaît personne. Lui, il est encore dans le vide. Dans la découverte. Enfin, la scène où le gamin il se réveille à l'hôpital et il fait bah on est où et tout, et que sa mère lui dit bah grand-mère elle est passée hier soir. Et tu dis bah enfin elle est sortie, ça fait 7 ans qu'elle attend ça. Mm. Et tu le vois pas. Tous ces petits moments où tu dis oh du bonheur, des happy end à non plus vouloir, on les a pas, on a juste un gamin tout ça. Ça fait du bien à l'absence de bonheur. Et ça fait du bien l'absence de bonheur dans un film. On rappelle toujours du bien. Ouais, ça fait du bien. Mais ouais. C'est pour ça que moi je pense que ça reste quand même un thriller jusqu'au bout, parce que jusqu'au bout, on est juste dans la vision de l'enfant qui s'adapte peu à peu au monde qui entend. Mais je t'emmerde. Non, mais en fait, Antoine, il aime pas le bonheur, et c'est vachement identifié au personnage de Villainic, hein, tu me l'as dit pendant tout le film. Mais moi, un alcoolo qui a de la barbe, c'est tout à fait moi. Et qui s'écrase. Mais alors, où est le suspense dans la deuxième partie du film? Parce que pour moi, dans un scénario, il n'y a pas forcément que du suspense non plus. Voilà. Oui, mais toi, est-ce que tu penses vraiment pas que le réalisateur aurait dû garder son huis clos jusqu'au bout? Ça aurait peut-être pas été original, mais moi je pense vraiment que s'il avait gardé le huis clos jusqu'à la fin du film, et sûrement une délivrance à la fin, ouais, à la toute fin du film, bah ça aurait fait plus sens, parce que la deuxième partie, je trouve qu'elle était vraiment en demi-teinte par rapport à la première. Il y avait vraiment un décalage en fait en plein milieu du film. Quoi. Sans intérêt. Bah, après, libre à toi d'arrêter le film au bout d'une heure. Hein. C'est ça qui est bien avec les magnétoscopes. Kamel, tu peux. Oui, moi, qu'est-ce que tu veux dire là-dessus justement par rapport à ce que disait Antoine? Justement, je trouve la seconde partie complètement mielleuse. Ah oui. Et j'étais pas du tout touché par ça en fait. Ouais. Autant pour moi, ils auraient même pu faire deux films en fait, juste le huis clos et après la partie d'après. Le côté où on voit le. Justement, on voit rarement dans les thrillers justement l'après. Souvent, ils se barrent. C'est ça. Après. Oui, parce que à la limite, ce qui aurait pu être très intéressant, pourquoi pas, c'est vraiment voir la vie à la sortie de ce genre d'expérience. Mmh. Et là, du coup, ça donne quelque chose de très mal retranscrit lisse, en fait. C'était un tout petit peu banal. Alors toi, t'as vu ça comme ah bah oui, c'est normal, c'est les yeux d'un enfant, mais bon bah ok. Bah, moi, j'ai juste vu un gosse. Je suis contente d'avoir grandi, quoi. C'est chiant la vision d'un enfant. On va reparler de la scène du tapis après, mais pour moi. Cette scène du tapis, elle est aussi forte parce que justement, la deuxième partie n'est plus forcément dans les vrais codes d'un thriller, mais plus, comme on disait, un peu plus d'un drame social. Puis c'est un beau tapis. Hein. Et c'est un beau tapis. Je pense qu'on est sur du tapis de bonne qualité, tu vois. Ça... Kamel, donc, tu veux dire. L'intention est bien de vouloir remontrer justement l'après l'enlèvement. Ouais. Mais les scènes sont tellement niaises, genre le petit qui apprend à monter les escaliers déjà. Oui, ça sert un peu débile. Ou les Lego. Bien, ils jouent au Lego. Ça va, et Kamel, c'est pas parce que t'as appris à monter des escaliers. C'est l'enfant, faut de la PC. L'enfant sauvage 2.0. Mais ça a permis très vite. Je pense que pour moi, le réalisateur, il voulait aborder des sujets. Mais sauf que s'il les abordait vraiment, ça demandait trop de temps. Genre, par exemple, le fait que le père de Joy n'accepte pas l'enfant parce que c'est le fils du violeur. Ouais, ça, on le voit à peine d'ailleurs. C'est juste une scène. Après, on voit plus le grand-père jusqu'à la fin. Mais c'est suggéré, et c'est en filigrane. En fait, toutes les grandes questions qu'on aurait pu avoir après la sortie sont toutes en filigrane, et on nous les propose, et elles sont libres à interprétation. Mmh. Et moi, j'aime bien les films où on peut nous laisser quand même un peu d'interprétation. C'est plus en demi-teinte, c'est plus en demi-teinte qu'en filigrane. Mi-fig, mi-raisin. Oui, voilà. Donc ouais, moi je pense que c'est un film basé sur un thriller et qui débouche après sur un drame social qui est les retombées du thriller, un petit peu comme disait Béa. On est assez d'accord là-dessus. Donc, il y a une scène clé. La fameuse scène du tapis dont on parle depuis le début et qui est la scène de transition entre le thriller et le drame. Donc ma question est la suivante, est-ce qu'une bonne scène, une scène clé, peut rattraper un film et en faire un bon thriller? Donc là je pense à la scène du tapis qui est une scène bourrée d'émotions, comme on a dit, un thriller de nous tenir en haleine. Bah là on est tenu en haleine jusqu'à cette scène et après c'est une décompression d'une heure. Décompression qui est trop longue. Ah. Parce que dans un thriller, souvent, cette scène, elle arrive à la toute fin. La scène en apothéose, la scène de délivrance. Voilà, et là, elle arrive au milieu. Là, elle arrive en plein milieu. Ça prouve bien que c'est en deux parties et qu'il aurait vraiment dû s'arrêter et traiter que la première partie. Ou alors, c'est un thriller hybride. Il faut peut-être l'accepter. C'est un thriller hybride. Je peux accepter beaucoup de choses. Mais bon. Avec moi, je sais. En tout cas, par rapport à ta question, une bonne scène, effectivement, je suis complètement d'accord avec vous, c'est une très bonne scène, la scène du tapis. Et ben voilà, c'est une très bonne scène, et c'est pas pour ça que ça sauve un film. Est-ce qu'on l'appellerait pas The Carpet Scene jusqu'à la fin du... C'était un poil court, hein, je crois. C'est un exercice de style. Tapis poil court. Les poils... pas la scène, le tapis. Mais c'était un beau tapis, je le répète, et c'est important de voir cette scène du tapis pour avoir des idées déco, finalement. Si c'est ça, peut-être ça, un thriller peut apporter ça aussi. Alors, qui s'est pas exprimé là-dessus? Antoine, peut-être? Non, moi c'est juste pour les gens, si... parce qu'on parle de scène du tapis, mais s'ils ont pas vu le film, ça va faire un peu compliqué pour eux. Ah, sinon, il est dans la page 14 du dernier catalogue. Mais du coup, réponds juste à la question, est-ce catégorie que tapis d'Orient peut sauver un film? Moi, je pense... Non. Je suis mitigé. Je pense qu'une scène seule ne peut pas sauver un film, mais j'avoue que cette scène-là est extrêmement forte. Enfin, moi, je l'ai vécu assez fort d'un point de vue émotionnel. Et non, la musique, il y a vraiment de... Moi, ça m'a rien fait du tout peur. Elle est très. Mais Kamel, elle est on va passer la parole à Kamel l'insensible là. T'avais pas ton cœur qui battait. Enfin, quand il. Ah si, moi j'avais quand même, je me disais, sa mère c'est quand même un peu une connasse, pardon de dire ça, de prendre son fils et de l'enfermer dans un tapis. Elle le fait chialer. En fait, j'avais de la haine pour la mère en me disant c'est une tarée en fait. Ouais, mais en termes d'incarcération, on appelle ça la technique du rouleau de printemps. Pour s'échapper, c'est pas important. Après là, elle est tellement paumée qu'elle prend pas du tout. La conscience des choses, c'est des risques surtout. Parce que là, c'est tellement risqué. Enfin, c'est pas du tout. Alors là, pour le coup, et quand bien même je n'ai pas aimé le film, mais néanmoins, non, au contraire, je trouve que son personnage, justement, effectivement, elle en est là, elle le met dehors, mais c'est tout ce qu'elle a trouvé pour le sauver. Donc ouais, au contraire, solution. C'est une preuve d'amour extrême. Enfin. Ouais. On va conclure sur Room du coup. Bah, je vais conclure parce que je suis le chef ici. Je suis un gros bâtard. Pour moi, ce film vaut le coup d'être vu juste pour la scène du tapis et pour toute l'heure avant. Et ça permet de digérer l'heure d'après. Et c'est un très bon film, Kamel. Je t'emmerde. Alors ensuite. Oui, on peut pas répondre. C'est ça le principe. Je suis. C'est toi qui. J'ai mis 200 balles dans une table de mixage. C'est pour me faire plaisir. Okay. Mais pour moi, ça reste quand même un des meilleurs films de l'année. Elle voulait assommer le mec avec lunettes de chiottes. C'est un peu pourri que la technique pour assommer le gun. Non, c'est vrai. Alors qu'elle a de l'eau bouillante, qu'elle pourrait lui lancer à la gueule. Mm. Et non, elle va mettre en bête sur sa. Oui, et puis elle a des couteaux pour faire la cuisine. Les 200 techniques pour tuer quelqu'un dans une cabane ou dans un lieu réduit. Bon, c'est le livre de chevet de Kamel. Nous, on va passer à L'Homme Irrationnel. L'Homme Irrationnel, maintenant, le deuxième thriller que nous voulons traiter. Film de Woody Allen, c'est l'histoire d'un professeur de philosophie quarantenaire en pleine crise existentielle. Bah oui, c'est un Woody Allen, donc il est en pleine crise existentielle. Donc un professeur qui élabore le projet d'assassiner un juge qui lui paraît nuisible. Tout au long du film, il est persuadé qu'aucun lien ne pourra être fait entre lui et la victime. Mais ça, c'est sans compter sur Parker Posey et Emma Stone, hein, les deux meufs avec qui les aventures d'amour ont très vite des suspicions sur lui. Donc à part dire une nouvelle fois que Joaquin Phoenix est l'un des acteurs les plus fous de sa génération, je l'affirme haut et fort, j'en ai rien à foutre, j'ai plus rien à perdre, que dire de ce film? Qui a vu ce film autour de la table? Tristan, J'ai vu. Béa, ouais. Moi aussi. Et Antoine, oui Thomas. T'as vu le film Kamel? Oui, j'ai vu le film. Oh, tout le monde a vu. Deuxième événement du podcast, Kamel a vu un deuxième film. Donc on va donner la parole à Kamel. Kamel, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Alors c'est un film que j'ai particulièrement apprécié, notamment au niveau du sarcasme, il y a pas mal d'humour noir. Après, au niveau des scènes de frissons, je n'ai pas spécialement ressenti. Ouais. J'ai plus vu ça comme un thriller comédie, je dirais. Ouais. T'as pas frissonné, mais tout à l'heure tu parlais d'être tenu en haleine. Bah, là t'es tenu en Woody Allen. Bon. Oh. Pardon. Oh là là, mais que tu es drôle. Ah c'est pour ça que tu es le chef. Mais oui. Disons juste, ouais, séduit par le scénario et voir l'évolution du personnage qui s'emmerde dans sa vie et qui au final fait un truc fou. Oui, voilà, faire un truc complètement fou. Qui va le faire revivre. Voilà, c'est plus le côté humoristique, en fait, l'humour noir qui m'a bien plu dans ce film, en fait. C'est un 6 sur 10, alors, ça, Kamel. Ah non, plus. C'est vrai? Je mettrais un 7,5 sur 10. Bon, Kamel a apprécié. Tristan, le voisin de Kamel, hein, pour ceux qui ne regardent pas l'émission en direct sur Facebook Live. Moi, j'ai bien aimé, comme un bon Woody Allen, mais ça m'a quand même fait penser à un vieux Columbo. Oh non, tu peux pas dire ça. Oh non, si. Alors j'ai dit ça pour Columbo, non, parce que Columbo, c'est pas le sujet, mais non, Columbo c'est très bien. Parce qu'il y a quand même beaucoup trop de blabla. Et l'intrigue, elle est vraiment très lente. Il y a une intrigue, même c'est une petite intrigue, mais c'est trop lent. Enfin, j'ai adoré le personnage de Joaquin Phoenix, mais. Mais ouais, c'est ça, ça m'a fait penser à un vieux Columbo. On aime bien le regarder, on passe un bon moment. Après, voilà, c'est pas le film de l'année, c'est pas non plus le thriller de l'année. Ouais. Mais d'ailleurs, juste pour ceux qui aiment bien Joaquin Phoenix, il va faire bientôt l'adaptation d'une youtubeuse beauté, ça va s'appeler Joaquin Enjoy Phoenix. Alors, on passe à. Voilà, à part le côté macabre, je trouve que il a pas trop les codes du thriller. Ouais, d'accord. Et le côté il se fait rattraper parce qu'il y a une menace, c'est le se faire rattraper par l'acte qu'il a fait. Antoine, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Alors c'est compliqué, moi j'ai pas trop aimé ce film pour plein de raisons. T'aimes bien Woody Allen toi pourtant d'habitude? J'aime bien Woody Allen d'habitude. Et pourtant il n'y a pas d'erreur de scénario. Alors, ah si, on peut en parler. Il y a énormément de choses qui vont pas dans ce film pour moi. Il en trouve toujours. Ah bon? Déjà ça commence, enfin on se tape tous les clichés du monde pendant 30 minutes, du prof perdu, enfin crise existentielle qui arrive dans un nouveau campus et qui évidemment va se taper une meuf. Alors moi après ça me rassure sur deux choses. Déjà le bidabière c'est sexy pour Emma Stone, donc moi je suis chaud. Hein, ouais, clairement. Non mais c'est Joaquin Phoenix. Hein. Oui, oui, bon, il a une petite cicatrice sur la lèvre. Il a une petite cicatrice sur la lèvre. Et bon. Ça, ça excite les femmes, je connais. Et depuis Heure, il a perdu la moustache quand même. Ouais, ouais. Ouais, mais il avait un charme avec les moustaches quand même. Reste Béa. Est-ce que toi, tu te taperais Joaquin Phoenix? C'est une question. Mais je peux y répondre évidemment. Hein, ouais. C'est un grand oui. D'accord. Ah oui, non, je suis d'accord. C'est un grand oui. C'est un grand oui pour Béa. On repasse tout de suite au film avec Antoine. Ouais, non. Non, ce film m'a gêné sur plein de points. Bon, après, moi, je trouvais ça. Effectivement, je trouve que l'intrigue est très lente. Enfin, tout le temps où il dit « Ah tiens, oui, je vais aller buter le juge », et jusqu'au moment où il met son plan exécution, bah, il se passe encore une demi-heure. Mais c'est Woody Allen, hein. À un moment donné, t'aurais des poursuites en bagnole et des coups de feu partout. Non, ce serait. Ce serait un film avec Paul Walker. Voilà, ouais. Ou Jason en fait, Statham. Je trouve trop entrecoupé. Enfin, il axe tout le truc sur la relation qu'il a avec Emma Stone et qui va l'amener en gros à sa perte. Mm. Qui pourrait être intéressante, mais en fait c'est trop que t'es dans le vif. On aurait besoin de plus de logique dans les événements. Et après je trouve ça un peu faible que Emma Stone d'un coup elle se dise mais oui, mais forcément tout se passe comme ça et c'est forcément toi. Je trouve ça très faible en fait. D'un point de vue scénaristique, c'est une faiblesse en mode bah écoute, c'est le côté burlesque. Lis le scénario et répète-le. Kamel, je trouve que justement elle le découvre pas tout de suite ça en fait. Petit à petit elle a comme des doutes, après ses doutes se dissipent et au fur et à mesure. Elle se rend compte, elle ne peut pas y croire, mais elle se rend compte au fur et à mesure. Au départ, elle le dit elle-même, mais en plus la voix est assez insupportable. Elle dit elle-même que bah non, elle pense pas que ça peut être lui, puisqu'en fait les voix sont post résolution du film. Hein. Clairement, c'est un peu une sorte de le film est en soi-même un flashback. C'est... Flashback, post-résolution, c'est beaucoup trop de termes. On va passer tout de suite à la vie de, moi j'ai envie de dire la Emma Stone de l'émission. Oh oui. Béa, qu'est-ce que t'as pensé de ce film? Un petit film bien sympathique. J'ai passé un bon moment à le regarder. Néanmoins, j'étais un peu déçue que ce soit un Woody Allen, dans le sens où c'est un petit Woody Allen. Voilà, c'est un petit film sympathique, mais un petit Woody Allen, ouais. Parce que. Effectivement, les personnages sont assez lisses, tout avance tranquillement, il n'y a pas de relief dans les persos. Alors qu'un Peter Jackson, il t'aura amené des orques dans le bazar. Et par rapport au code du thriller, clairement, bah oui, ce qui fait frissonner, c'est le fameux bidabière de Joaquin Phoenix. Là, j'avoue, ça m'a fait peur. Je l'aime quand même, hein, je l'aime toujours. Il a mon email, j'attends sa réponse. Et voilà, comme mais... à peu près 90% des hommes Hollywood. Mais un film sympathique. Je t'avoue que je n'ai pas tout à fait compris qu'il soit dans cette liste, qu'il soit en catégorie thriller. Bah en fait, tout à l'heure, Tristan a dit me mettre à la place. Ce qui me fait frissonner, c'est de me mettre à la place. Alors on se met à la place d'un mec qui est paumé, qui a pris la décision de tuer quelqu'un alors que c'est pas dans son tempérament. Il pensait un peu faire le bien, mais il a quand même tué quelqu'un. Et la police, c'est très règlement. Et pour eux, c'est un meurtre. Du coup, quand on se met à sa place, on se dit. Ça nous arrivait. Bah si ça nous arrivait. Alors je suis assez d'accord, mais on. C'est plausible. Alors je suis d'accord sur cette base, sauf que. Alors je sais qu'on en avait discuté avant, mais moi j'ai pas ressenti le côté. On se demande s'il va se faire attraper. Bah il y a justement. C'est faiblard quoi. Il y a pas de tension. Pour moi c'est pas un thriller. Il y a pas d'attente. Mais comme une bonne idée. Il y a que le côté macabre en fait qui le classe dans la catégorie. Eh bien, justement, ça va déboucher sur ma question. Je dis thriller comique pour moi, plaisir. Voilà, thriller comique, c'est ce que. Toutou, c'est plus un film comique. Après, le genre de film, c'est un Woody Allen, hein, on va pas. Oui, voilà, oui, un petit clairement. Woody Allen. Moi, ma question était la suivante, parce que pour moi, c'est ce que j'appellerais un thriller burlesque. On a un crime, on a quelqu'un qui se fait rattraper par son erreur. Ma question, le thriller burlesque est-il un genre à part entière? Est-ce que ça peut exister ce genre? Est-ce qu'on peut mettre de l'humour dans un thriller? Faire une question un peu plus globale. C'est peut-être le sous-genre, en fait, qui s'éloigne le plus de l'essence même du thriller, je pense. Le film porno? Mais... Ouais. Ouais, aussi. Le porno. Kamel, qu'est-ce que t'en le penses? Le porno burlesque? Ça existe. Si ça comme un sous-genre ça à part entière. Toi, le thriller burlesque, est-ce que ça peut être un genre? Est-ce que toi, tu penses qu'au cinéma, ça peut exister? T'as peut-être des exemples. Pour moi, c'est... Je veux dire, c'est assez antinomique, j'ai envie de dire. C'est pas mal, hein. Parce que pour moi, c'est pouf, ça sentait super, ça sentait vraiment la réaction de merde, mais antinomique est venue rattraper ouais, le truc. Donc, Kamel, on va pas se mentir, tu n'as rien à dire sur cette question. On va passer à Béa. Antinomique, ça a déjà été dit, du coup, je suis embêtée. Absolument, là, tu t'en sors. Moi, j'avoue que thriller burlesque, pour moi, ça va vraiment pas ensemble. Maintenant, on a d'autres exemples qui vont venir dans les prochains films où, effectivement, il peut y avoir, je pense, un peu d'humour. Ça peut faire partie du film. Il faut pas que ça prenne le pas sur le thriller. Voilà, c'est ça. Ouais. Antoine, et tu vas conclure sur cette question. Le thriller burlesque est-il un genre à part entière? Eh ben peut-être, mais dans ce cas-là, on n'en voit pas souvent, hein. Et tant mieux. Et tant mieux parce que je pense que non, franchement, ça s'accorde pas trop. Et si effectivement l'homme irrationnel est un thriller burlesque, eh ben je suis pas trop pour qu'on recommence. Pourtant, tu sais qu'on en connaît un ou deux thrillers burlesques. Lequel? Le Baltringue avec Vincent Lagaffe. On passe à notre troisième film du jour. La fille du train. Alors, une dépressive alcoolique prend le train tous les jours afin d'occuper ses journées. On dirait un petit peu le biopic de Béa, mais non, c'est un film. Oui, parce que je ne prends pas le train. Je prends pas le train. Voilà. Elle va à Lens. Je suis dépressive en alcoolique. Tout va bien. Elle va à Lens en Twingo. Bon, après, J'ai hâte qu'on ait un film sur ta vie, Béa. Je rigole, c'est bien mieux que ça. Donc, tous les jours, cette dame qui est dépressive alcoolique passe devant son ancienne maison et se lit d'affection. Et qui n'est pas toi. Elle se lit d'affection avec le couple à côté de son ancienne maison. Elle voit tous les matins depuis sa fenêtre un couple voisin. Ça va être le bordel, on va rien comprendre, hein, je vous préviens. Donc elle voit un couple voisin, Tom et Anna, qu'elle a surnommé Jason et Jess, et qu'elle imagine comme un couple heureux et sans histoire. Un soir, elle voit Jess avec un autre homme et apprend quelques jours plus tard la disparition de cette femme, de son vrai nom Megan Hapwell. Persuadée qu'elle a vu quelque chose concernant la disparition de Megan pendant une nuit d'ébriété, Rachel va se rapprocher de Scott, Jason, devant ainsi croiser à nouveau Tom et Anna, donc son ancien mari et la nouvelle femme. Ça ne veut rien dire. Donc c'est la fille du train. Ça donne très envie. Là déjà. Et non, c'est dur à résumer. C'est avec Emily Blunt. C'est avec Emily Blunt et c'est un film de... Je ne sais pas. Taylor. Ouais, c'est Taylor. Taylor. Sorti le 26 octobre 2016. C'est parce que Tristan, il a j'ai même pris imprimé ses fiches. Il y a un bon élève. Taylor, il a fait quoi d'autre? Il a fait, je ne sais plus, quand on a passé fiche, non. On fait le goût des autres. Du fromage dans ma souricière. Il a fait l'homme du tramway. Non, Taylor, il fait pas... La couleur des sentiments. Il a fait la couleur des sentiments, mais bien sûr. Et oui. Voilà, donc Taylor. Non, mais si, c'est vrai. Tous les films de dépressifs alcooliques, bien déconné. Bah oui, c'est vrai. Taylor Swift. Donc la couleur des sentiments, Taylor. Ted Taylor aussi, en 2003, a fait un court-métrage qui s'appelle Chicken Party. Ah oui, toi, tu es Internet. C'est important de le dire. Ah oui, c'est un avantage. Voilà, c'est un avantage. C'est après quoi la Chicken Run? Alors, donc ce film, qui en a pensé quoi? On va commencer par Béa. Donc qu'est-ce que t'as pensé de ce film? Qui l'a vu déjà? Vu. Alors, vu. Oui, aussi, je l'ai vu. Non, Kamel, ah, t'as vu? Kamel, mais tu bluffes! Non, mais Kamel arrête de mentir! Donc, très déçu sur la fin. Ne vous habituez pas trop à la voix de Kamel. Je vais partir le choix rien vu de mais c'est ça. Vous habituez pas à la voix de Kamel, parce que après, vous l'aurez fait pendant l'émission. Donc, la fille du train. Béa, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai trouvé ce film un peu prétentieux dans son traitement, c'est long effectivement, mais tu vois tu fais le pitch et tu compliques. Alors c'est vrai que le livre apparemment est comme ça. Moi je n'ai pas lu le livre. C'est j'ai trouvé que c'était un sous Gone Girl. Je vois pas comment on peut faire autrement c'est revois Gone Girl. Ça y est, c'est notre première dispute, Kamel. Mais voilà, on va se disputer là parce que vraiment, j'y ai pensé pendant tout le film. Et c'est vrai que. À côté, le scénario est faiblard, clairement, à côté de Gone Girl. Oui, et je pense que le scénario est faiblard. Et du coup, dans la façon de filmer, ils ont rajouté des effets, justement, de souffrance psychologique, de on est perdu, de rythme lent. Enfin, moi, je me suis vraiment ennuyée pendant ce film, avec la désagréable sensation de peut-être passer à côté de quelque chose, mais voilà, je ne suis pas du tout rentrée dans Mais ce la film. Sauce ne prend pas, en fait. Voilà. Mais c'est un thriller. C'est un thriller, peut-être. Ouais. Moins que Gone Girl, en tout cas. Ah oui, mais largement moins que Gone Girl. Au bout de 30 minutes, le film désintéresse, je trouve, enfin, complètement. Antoine qui a bien aimé le film. J'avais pas envie de connaître la fin. Attends, moi en fait, moi aussi j'ai bien aimé le film. Début, tu vois. Ah. C'est sur Room, moi je ferais ça bien. Mais alors là, je suis en désaccord avec tout le monde. Non, franchement. Bah, d'ailleurs, on va pas au cinéma avec toi. Tu as remarqué. Gone Girl, Gone Girl, moi j'ai vu avec notre Altesse Sérénissime Thomas, ici présent. Non, la fille du train, tu l'as vu avec moi. Et ouais. On a passé un bon moment. Ah, oui, c'est vrai, la fille du train, pardon. Oui, oui non, franchement, c'était bien. Moi j'ai bien aimé. Après, je suis peut-être fan d'Emily Blunt, c'est peut-être un petit problème. Mais tout de suite. Non, je trouve que pour le coup, il est assez malin. Il amène bien les choses et on trouve que pour nous faire croire que le personnage principal est fou à ce point-là et que on nous que le twist final, bref, on va pas trop. Mais tu le vois tellement venir, évidemment. Mais pendant tout le film, tu te dis. Évidemment qu'on le voit arriver. Alors là, justement, je vais intervenir parce que moi, je suis pas un habitué des thrillers. Thomas, présentateur de l'émission. Je suis pas. Et c'est toi, c'est ton. Bonjour Thomas. C'est mon choix de parler des thrillers. Je me suis fait violence. Je suis pas un habitué des thrillers. Et justement, moi, j'ai pas vu le film venir. Mais bon, ça viendra sur la question que je vais poser sur ce film. Donc, on laisse Antoine terminer sur son avis. Non, franchement, moi, je ferais ça. Très intéressant. Il y a plein de choses qui sont bien. Enfin, tout le traitement de l'alcoolisme, des séances chez le psy et tout, c'est reste assez intéressant. Et après, ça reste quand même un film où le thème de base, c'est pas forcément le thriller, mais l'adultère. On est d'accord. Ouais. Après la manipulation, je dirais aussi. Oui, la manipulation. Mais surtout la manipulation. Par contre, l'adultère, tu le vois vraiment venir. Bah oui. Ah oui, moi j'attendais que ça. Voilà. Je te rejoins sur le côté psychologique, la souffrance de la femme, je trouve que justement moi, je trouvais que dans ce film-là le joue. C'est le seul point intéressant. Ça le joue bien. Après, je suis d'accord. Donc, c'est un film que j'ai bien aimé. Après, c'est que c'est un petit peu décousu. Il y a pas mal de scènes qui sont pas expliquées. Et à mon avis, je pense que j'ai pas lu le livre, mais apparemment, comparé au livre, il y a des scènes qui sont pas cohérentes. Mm-hmm. C'est justement au niveau de la construction, notamment le passage où elle va voir justement le mari de la fille qui a disparu. Ouais. Elle tape à sa porte, il lui parle comme s'ils se connaissaient, alors qu'il y a aucun moment où avant on voit qu'ils sont rentrés en relation. Donc il y a plein de petits passages comme ça un peu décousus pour lesquels je me dis c'est dommage, parce que si ça avait été un peu plus justifié, si le film avait duré un peu plus longtemps. Encore plus longtemps. non. Petite anecdote, il y a des trucs comme flagrants qu'il faut justifier quoi. J'ai une petite anecdote. Donc pendant tout le film, Emily Blunt est censée boire de l'alcool puisque sa femme son personnage est une dépressive alcoolisée. Et c'était de l'urine de poney. Absolument pas. Non, elle ne pouvait pas boire d'alcool sur le tournage parce qu'elle était enceinte, mais elle n'osait pas le dire à tout le monde. Voilà. Elle attendait son deuxième enfant qu'elle est avec John Krasinski. Ouais. C'est celui qui joue Jim Halpert dans la série The Office. Il s'est passé quelque chose pour Antoine et moi pendant le film, c'est qu'on est tous les deux amoureux de Hayley Bennett, le personnage de Meghan. Je voulais juste le préciser parce qu'elle a des yeux qui sortent sous Jennifer Lawrence, clairement. J'aime bien. Tout pareil, ouais, la façon de jouer déjà le physique. Je vois que j'ai créé un débat. Kamel, qu'est-ce que tu voulais dire sur le film? Je trouve ça assez antinomique déjà. Ah non, mais comme je disais, du coup, c'est pas un film que je trouvais particulièrement long. Du coup, j'étais quand même bien pris dedans. Ouais. Bien que c'est clair qu'on s'y attend assez rapidement, on va dire à la chute. J'ai pas forcément dit long, j'ai dit chiant. Mais C'est dur. C'est beau le cinéma. Mais voilà l'aspect psychédélique du personnage. Je trouvais qui était bien joué de la part de l'actrice principale. Et du coup, ça me dérangeait pas le dénouement qui était un petit peu flagrant. La question que je vais poser sur ce film sera la suivante. Qu'est-ce que vous avez pensé de Rose Gibby? Rose Gibby, qui joue le personnage de David, qui est assis sur la troisième banquette derrière elle. Je trouvais que c'était lui qui avait fait... Ah oui, celui qui descend du train et qui essaie de l'aider et qui se fait rembarrer genre sèchement. C'est lui, c'est Rose Gibby. Et voilà, franchement... Bah là, c'est oscarisable, à mon avis. Ah, c'est oscarisable. Non, mais en fait, voilà, moi, c'est aussi ça que j'aimais dans le film, c'est qu'il te laisse plein d'indices pour estimer quels sont les scénarios possibles à venir... Et les fins possibles, et qui pourrait être le méchant ou autre. Non. Effectivement, Rose Gibby. T'es vraiment bon public là. Ça m'étonne de toi. Toi qui cherches vraiment la petite bête et tout. Là, comment... tu t'es on fait... lit pas du mal des Billy Blunt. Tu t'es fait mener par le bout du nez. Tu n'es qu'un garçon. Enfin, donc, voilà. Non, mais c'est quand même du déjà vu. On va pas spoiler, mais le mari qui bute sa maîtresse. Ah, c'est du spoil ça. Ah oui, là ça y ressemble quand même. Là, c'est un peu du spoil. Là, on est dessus. Non, mais c'est du. Il n'y a rien de construit dans ce scénario. C'est hyper simple. Le scénario est très simple. C'est le traitement qui est intéressant. Et moi j'ai juste un plus pour ce film, c'est l'ambiance glaciale. Ah oui, l'ambiance est ouf. L'ambiance est pas mal. Et c'est la musique qui est chouette. C'est ça qui fait que c'est un thriller parce qu'on parle des thrillers. C'est une très belle, effectivement, Béa, c'est une très belle transition. peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. C'est ce que tu as dit, Antoine, en filigrane. J'ai trouvé ça très beau. Donc Antoine et moi, on a aimé ce film. On l'a vu ensemble le même jour. Je pense qu'on était peut-être de bonne humeur. J'en sais rien. Mais nous, on a aimé. Mais c'est ça qui est beau dans le cinéma. Et Kamel a aimé aussi. Mais là, on va passer à un film qui va diviser, je pense. The Neon Demon, film de Nicolas Winding Refn, qui est le réalisateur de Drive. Donc dans ce film, on suit les aventures de Jess, une jeune fille souhaitant devenir mannequin qui se rend à Los Angeles pour réaliser son rêve. Celui-ci tourne très vite au cauchemar. Bah oui, on est dans un thriller. Il tourne au cauchemar lorsqu'elle réalise qu'elle est l'objet de tous les désirs de femmes obsédées par sa beauté et sa vitalité et qui sont prêtes à tous les moyens nécessaires pour s'en emparer. Donc à part le fait que Elle Fanning est bonne, qu'est-ce qu'on a pensé de ce film autour de la table, Béa, parce que j'adore ton avis sur ce film. Donc, sincèrement, mais vous m'avez fait délirer quand on en a parlé, parce que c'est vraiment, alors pour le coup, c'est vraiment un film de mec. Il y a de la touche, Excuse-moi, c'est hyper esthétique. Non, alors c'est franchement le générique, je me suis dit waouh, ça va donner quoi. Et après, tu te dis, ok, je suis dans une sorte de porno chic, dans un clip. C'est l'univers, c'est l'univers de la mode et des mannequins, mais en fait. Il se passe rien. Enfin, sincèrement, j'ai essayé de le regarder. C'est très rare que ça m'arrive, mais vraiment, c'est très rare que ça m'arrive, puisque j'ai même regardé jusqu'au bout Bloodfather. Mais je n'ai pas regardé jusqu'au bout ce film. Enfin, au bout de, je sais même pas quand je me suis arrêtée, mais peut-être moi au bout de trois quarts d'heure. Enfin, je me suis arrêtée. Je m'ennuyais tellement. C'était. Et en même temps, je peux comprendre. Je pense que si j'étais un garçon, j'imagine que je serais sensible à tout ça. Ah bah non, parce que je l'ai pas vu en fait. Je n'ai juste pas compris. Néanmoins. Ah, quand il y a un néanmoins, souvent c'est très bien voilà, ce qu'il y a derrière. Néanmoins, vas-y, Pierre. Thomas, en sachant ça, tu m'as dit. Oh bon, mais pourtant à la fin. Et tu m'as dit ce qui se passait à la fin. Ouais. Peut-être pas avec cette voix débile que je viens de faire. Je la fais des fois. Voilà, quand je te vois souvent. Tu l'as fait. Et là, je me suis dit. Ah ouais, ok. Donc ouais, c'était peut-être bien. Mais voilà, ce n'est pas pour ça que je vais essayer de le revoir. Et tu n'as pas envie de spoiler. Bah non, je vais pas spoiler, c'est dommage. Je vous laisse faire parce que vous allez le faire. Non mais vous allez le faire, donc je vous laisse faire. Je ne prendrai pas le rôle de la méchante ce soir, Monsieur Tristan. Non, si spoiler ce film, c'est dire qu'à la fin elle se fait bouffer par ses copines de la mode. Alors oui, effectivement, je vais spoiler. Mais là, du coup, c'était pas mal. Ouais. C'était pas mal. Donc cette fin intéressante. Ouais. Et là aussi, alors bah oui, du coup, c'est vrai que là, je me suis dit ah ouais, donc c'était vraiment un thriller. Sinon, je ne comprenais pas pourquoi je devais, parce que faut que les gens le sachent. Tu nous as obligé à regarder des films. Ah bah oui. Voilà. Bah Bloodfather, on va pas avoir plaisir quand même. Voilà. Pour quelqu'un qui l'a pas vu, tu parles beaucoup. Mais je l'ai vu, j'ai elle vu trois quarts d'heure. Elle a pas vu la fin. Tu n'as pas écouté ce que je viens de dire. Elle n'a pas regardé la fin. Elle n'a pas laissé la chance aux chansons, comme dirait Pascal Sevran. moi, personnellement, donc je vais enchaîner avec mon avis. J'ai pas forcément surkiffé ce film. Il y a un espèce de mélange des genres. À un moment, ça se la touche un peu, on va pas se mentir. Ça se touche à mort. Non, ça se touche tout court. Visuellement, c'est une réussite. Mais c'est un peu chiant, j'ai trouvé. Mais non, mais c'est jouissif. Mais c'est jouissif. Du coup, on va passer à Tristan, parce que Tristan aime ce film. Et moi, j'aime les gens qui ont des passions, j'aime les gens qui ont des élans de passion, et j'aime Tristan. Donc pour Tristan, moi, peut-être que vous voyez pas le rapport, mais moi, j'ai vu les deux au cinéma. C'est le Black Swan du monde de la mode. Non, mais j'ai. Non, mais on va laisser Tristan finir, on va s'offusquer après. J'étais subjugué, surtout la scène de fin. Tristan, on va lui faire une pause. Tristan, on lui fait une pause de 5 secondes, on s'offusque pendant 5 secondes tous. Terminé à Tristan. J'ai l'impression que je suis seul ici. Non, mais pour moi, voilà, c'était jouissif. Et surtout la fin. Enfin, j'étais complètement abasourdi et subjugué par les images. En fait, je sais pas, t'es dans une espèce de, je sais pas, de film noir, mais en même temps très coloré, avec une mise en scène, un traitement de l'image de fou. Et à côté, t'as un côté froid de la mise en scène et des personnages. Là, je sais pas, ouais, il y a un truc dans le film qui m'a capté, qui m'a captivé, je sais pas. Tristan a aimé, c'est pas le seul, hein, Tristan, parce que énormément de gens ont adoré ce film. Je pense qu'on en a dit assez sur ce film, à moins que quelqu'un ait envie de rajouter quelque chose. Non, ça. Kamel, en qualité de personne qui n'a pas vu, Kamel. Mais moi, je suis complètement d'accord avec ce que dit Tristan. Tout ça pour pas être d'accord avec moi, Kamel. Un peu moins avec Béa. Voilà, Kamel est une arnaque, il faut le savoir sur ce film. Il ne l'a pas vu, mais est-ce que c'était nécessaire? Je ne sais pas pour la question qui va arriver, puisque la question qui ressort de The Neon Demon, c'est: est-ce que le thriller doit nécessairement être froid? Béa, on t'écoute. Non, et j'ai envie de dire non. Non, parce que froid, ça veut dire Voilà, on le voit l'imagerie du film, c'est très froid. Mais oui, mais c'est très froid, du coup, ça ne... Enfin, un thriller, ça doit donner, en tout cas à mon sens, ça doit donner du frisson, ça doit donner des émotions. Et justement, le côté froid est totalement à l'opposé de tout ça, quoi. Donc non, je crois vraiment que froid, c'est pour moi, ça, c'est un adjectif qui ne convient pas à un thriller. Bon, on disait juste avant, par exemple, La fille du train est très froide. Bon, c'est quelque chose qu'on retrouve, mais pour toi, c'est pas un prérequis. Alors, non, parce que La fille du train, c'est pour moi, n'est pas forcément froid. Il y a quand même cette dimension psychologique très forte. Enfin, ouais. Et c'est... Enfin, ne revenons pas sur ce film, mais non, en tout cas, ça, enfin, c'est pas comparable. C'est pas la même froideur. Je pense que dans un bon thriller, il faut quand même une ambiance un peu de malaise. Oui. Et je pense que quand le réalisateur arrive à créer ce malaise chez le spectateur, ouais. C'est là que tu te dis que le truc est réussi parce que il envoie des émotions, c'est pas forcément des bonnes émotions parce que tu te sens pas forcément très bien devant le film, mais en fait c'est sûrement ce que le réalisateur voulait faire passer. Et moi c'est ce que j'ai vraiment ressenti à la fin de The Neon Demon, c'est que les images sont tellement fortes et dures que je sais pas, il y a un truc qui s'est passé, j'étais pas bien, mais en même temps j'en suis ressorti et plus je pense à ce film, plus j'ai envie de le revoir. Mais il y a énormément de personnes qui m'ont conseillé ce film, donc c'est peut-être ça aussi qui a fait que je m'attendais pas à ça et j'étais un peu déçue, mais... Comment tu en parles, ça donne envie d'aller le voir en fait, non, mais vraiment. Eh ben oui, je t'encourage à aller le voir. Bah c'est aussi ça le but de Parlons Péloche, hein, c'est de donner envie de voir des films, sachant que également cette année il y a Nicolas Winding Refn va ressortir un film. Je suis sur internet, je fais semblant de ne pas chercher, mais c'est ce que je suis en train de faire. Ça va s'appeler The Neon Demon. Bah non, c'est pas ça. Je sais pas, mais il va bientôt sortir un nouveau film. Je suis complètement imprécis. Antoine, qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu penses qu'un thriller doit forcément être froid? Non, je pense qu'en fait un thriller peut avoir une ambiance froide. Mais je pense pas qu'il doit être franc en soi. Je pense qu'on, comme tu as dit, un thriller dans les mots-clés qu'on a vus sur Wikipédia, c'était aussi le danger qui touche un personnage ou un proche du personnage, une sorte de danger imminent. Et je pense que si on est trop froid avec les personnages et qu'on ne laisse pas au public le temps de s'attacher à un personnage et de s'inquiéter pour lui, ce n'est un démon, il n'y a pas d'empathie. Il n'y a pas d'empathie. Et moi, c'est ce qui fait que ce film m'a moins touché. C'est parce que on manque d'empathie envers le personnage principal. Quoi. Ok. J'ai le nom de son prochain film. Ce sera The Halogen Angel. Excellent. Excellent. Une vanne américaine parce qu'on est worldwide. On est worldwide. Donc en tout cas, la conclusion, c'est que contrairement au Gaspacho, le thriller ne doit pas toujours être froid. On va passer à un film caliente. Instinct de survie. Donc, mais c'est un festival. Instinct de survie, on enchaîne avec du lourd. Film de Jaume Colessera. Jaume, tu sais, t'as un pote qui s'appelle Jaume, ça va Jaume? Bon, c'est pas grave. Donc, Instinct de survie, à ne pas confondre avec la dernière campagne de pub Adidas, Instinct de survette. Voilà, c'est une vanne écrite, celle-là, elle est préparée. Donc, l'histoire d'Instinct de survie, on suit Black Lively qui part surfer sur une plage déserte et qui se retrouve coincé. Black Lively, pardon. Qui joue le rôle de Nancy Adams. Excellent. Et qui se retrouve, mais le prochain qui me coupe mon pitch, je le défonce. Pardon Thomas. Mais t'as rien fait quand même. Donc, Black Lively qui part surfer sur une plage déserte et qui se retrouve coincé en solitaire sur un rocher à quelques mètres du rivage, sachant qu'entre elle et la plage, il y a un grand requin blanc. Un squale qui, à l'instar de tous les spectateurs, en veut au cul de Black Lively. Donc, à part le fait que Black Lively est bonne, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce film? On va donner la parole à Kamel qui ne l'a pas vu. Kamel, ça va être très court parce que tu ne l'as pas vu. Voilà, merci Kamel. C'est une blague visuelle, hein, c'est important aussi l'humour visuel en radio. Tristan, qu'est-ce que tu as pensé de Instinct de survie? Alors effectivement, tu l'as je pas l'ai vu. Pas vu non plus. Tu l'as pas vu. Ah. Eh ben voilà. Donne ce micro. Ah, Antoine, ça m'a pas du tout donné envie de le voir. Voilà. Bah, de toute façon, on en parlera pendant l'ouverture. On va prioriser. En dessous d'une heure trente, moi je fais pas de toute façon. Ça ne m'intéresse pas. Antoine. Alors moi, ce film m'a fait un peu bizarre. En fait, j'ai jamais eu autant de sentiments amicaux pour une mouette. De toute c'est vrai qu'il y a une scène de mouette. Il y a une scène de mouette qui a une luxation de l'épaule. Moi, je suis sur le cul. Tu vois, et je pense qu'on connaît beaucoup de médecins. On est quand même des gens de la haute. Oui, voilà, c'est je ça. Connais peu de médecins qui seraient capables de réparer une luxation de mouette. Qui serait capable de raquer. Oh mon dieu. Non, mais ce film est quand même assez, assez impressionnant dans la vacuité de tout. Ah, vacuité, c'est bien aussi. De son scénario jusque. Moi, je trouve que le requin est quand même très mauvais. Le requin joue très mal. Le requin joue pas bien. Il joue pas bien. Non, mais il y a plein de choses qui sont totalement incohérentes. du fait que le requin s'acharne sur une bonne femme au milieu d'un rocher alors qu'il a une baleine juste à côté de lui qui peut bouffer comme il veut. J'ai une anecdote. Après, j'ai envie de dire, moi, j'ai pas vu le film, mais après, on s'en fout de la cohérence dans ce genre de film. D'accord, ok, mais moi, il y a une scène qui m'a vraiment gêné dans ce cas-là. Il y a quand même un gars qui se fait bouffer à moitié en deux et qui se retrouve éjecté sur la plage. Et il y a des gens qui arrivent sur cette plage, qui est une toute petite plage, qui décident d'aller surfer, alors qu'il y a quand même un mec qui est coupé en deux juste à côté, mais il le voit pas. Un mec qui n'a plus de bassin. S'il ne le voit pas. Non, mais tu peux pas le manquer, en fait, à partir du moment où il y a personne d'autre sur la plage, de toute façon, vu que c'est un truc paumé. Et puis un mec qui n'a pas de jambes, tu le remarques sur la plage, hein, souvent. Non, ça se voit. Surtout qu'il est mort et qu'il est ensanglanté. Non, franchement, moi, ça m'a gêné sur ce point-là, et que les mecs, du coup, décident d'aller surfer et qu'ils se fassent bouffer par un requin. Gêné, réellement. Non, il y a plein d'autres choses, mais. On va donner la parole à Béa. Par contre, juste anecdote sur le film, le requin, qui joue très mal. Il a suivi des cours de théâtre avec Oscar Sisto de la c'est important à savoir. Moi, me jouer la peur. Mais c'est les requins blancs. Vas-y. Ils sont dégueulasses. Toi, avoir faim. Un bon requin marteau, ça tient mieux ce genre de rôle. Déjà, Béa, t'es plus cohérent. C'était un tigre. Non, c'était un blanc. C'est un blanc. Ouais. Blanc, encore une fois, hein, manque de diversité culturelle, un requin blanc. C'est pas drôle du tout ça. Béa, à toi. Eh bien, c'est un film qui ne sert à rien, évidemment. Un film popcorn. Mais voilà, ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est un film popcorn que je regardais finalement sans déplaisir, certainement parce que j'étais sur mon canapé. Voilà, je pense ça que joue. Si j'avais été au cinéma, ça m'aurait beaucoup plus agacé que ça. Mais c'est surtout, je ne vois pas l'intérêt de faire ça quand il y a eu Les Dents de la Mer. Enfin, mais voilà, ce sera la question. Hein. Ce sera la question. Donc, Béa, tu fais bien d'en parler. Je vais rapidement donner mon avis. Mais de toute façon, Béa, tu es utile. Tu es belle et j'ai envie de te pécho. De toute façon, ça me paraît assez clair. Moi, je l'ai vu au cinéma. Je crois que je suis le seul à avoir fait ça. J'avoue que j'étais triste de pas pouvoir accéder à mon slip sur certaines scènes parce que honnêtement, on utilise. Alors, Blake Lively joue pas forcément très bien, mais son cul joue très bien. Il y a des scènes vraiment scandaleuses quand elle met sa combinaison pour aller faire du surf. On a des plans sur ses fesses. Clairement. Non, et puis, quelle surfeuse ne ferme pas sa combinaison jusqu'en haut et laisse uniquement au niveau du décolleté. C'est quand même assez ouf. C'est n'importe quoi. Sur la 20e minute, on voit le téton de Black Lively, il me semble, et c'est un beau moment de cinéma. Mais en tout cas, c'est une belle critique, hein. C'est une belle critique cinématographique du film. Alors, j'ai aimé ce film, mais vous allez voir, j'aime beaucoup les films, moi. J'ai trouvé, alors j'ai une petite passion pour les huis clos, on reviendra sur les huis clos tout à l'heure, j'ai trouvé que c'était un huis clos bien maîtrisé parce que 1h30 de vacuité, ou pour moi, on s'ennuie pas. Après, c'est loin d'être le film du siècle. Mais je suis d'accord, en fait, je l'ai pas vu au ciné, mais c'est vrai que je ne me suis pas ennuyée à le regarder. C'est un bon exercice de style. Tu sais très bien ce qui va se passer. Ouais. Mais d'ailleurs, justement, j'ai une question par rapport à ça. Comment ils peuvent tenir 1h30 avec un film, juste une meuf et un requin? C'est ma question. En fait, il y a des mini péripéties. Racontez-moi un petit peu le film. Il y a des mini péripéties. Genre, au début, elle se trouve sur un corps de baleine. Non, mais sinon, on peut le regarder là. Hein. Allez, on va faire ça. Elle se retrouve sur un corps de baleine. Elle doit passer de la baleine à une bouée. Elle se fait blesser, elle se recoue, elle cherche à appeler des gens, elle fait plein de trucs et elle cherche à trouver un moyen pour tuer le requin pendant un long moment. D'accord, on s'ennuie pas quand on regarde ça, enfin je veux dire. Ça paraît pas long. Bah, en fait, il est pas long, hein. C'est, heureusement qu'il dure pas deux heures. Toute la tension du film part du fait qu'elle est sur un rocher et que la marée descend. Et qu'après elle va monter, et que le rocher sera sous l'eau, et qu'elle sera plus protégée, et que le requin va bouffer. Ouais, voilà. Donc il y a le côté frissonnant, le côté style. Les scènes avec le requin sont quand même assez. Ça met de la tension. On est un peu en suspense, même si on sait comment ça va se finir. Donc de toute façon. Imagine une plateforme, deux plateformes, tu dois en rejoindre une, et il y a un requin qui est en dessous. Pour le coup, tu te mets vraiment à la place du héros, et tu te dis, moi je flipperai carrément. Donc Béa a parlé des Dents de la Mer. Les Dents de la Mer, pour moi, c'est le film qui a créé et enterré le genre du thriller avec un requin. Donc ma question est la suivante. Peut-on faire un bon thriller horreur sur les requins après Les Dents de la Mer de Steven Spielberg? Du coup, vu que Béa, t'avais commencé avec ça, on va te donner la parole tout de suite. Ah, mais moi, c'est non. J'ai même pas besoin d'expliquer. C'est évidemment non. Parce que ce film, en disant non, pour toi, ça veut dire que ce film, il est... acheté à la poubelle, ou alors c'est juste que bon, clair, enfin il est moins non, bien, c'est clair. C'est bien essayé, mais non. Voilà. Les Dents de la Mer, alors on en parlera peut-être plus tard, mais voilà. Peut-être, oui, d'accord. Voilà, oui. C'est parfait. Moi, pour donner mon avis, je vois Les Dents de la Mer, je suis terrorisé, quoi, mais vraiment, littéralement terrorisé. C'est plus léger. Et voilà, on n'a pas vraiment peur parce que on sait. En plus, comme elle est seule. Tu vois, s'il y avait comme Garou. Et c'est un côté qu'on voit parce qu'on nous donne la solution. Un moment, s'il y avait eu un moment d'autres personnes qui interviennent. Alors, il y a quelques personnes qui interviennent, mais ils meurent tous. Voilà, on sait que forcément, elle va s'en sortir, qu'elle va pas se faire bouffer. La seule interrogation, c'est comment va-t-elle s'en sortir? Mais finalement. Mais on le sait dès le début, en fait. Pas tellement d'intérêt. On le sait dès le début comment elle va s'en sortir, puisque la première scène qu'on voit, c'est un enfant qui récupère une GoPro sur la plage. Oui. Et c'est vrai. C'est vrai. Voilà, on est en plein. En fait, c'est pour ça qu'on est. Pour moi, ce film, c'est plus un téléfilm qu'un film. Et je trouve ça ouf aujourd'hui qu'on fasse ce film. Mais assez réussi. Alors, après, pour la question, pour revenir sur Spielberg et les requins, on parle de requins de mer. Parce que si c'est des requins de tornade, je pense que Sharknado. Ouais. Sharknado est un très bon thriller man. Mais tu parlais de téléfilm. Et justement, le genre du thriller requin. Maintenant, c'est que des téléfilms et Instinct Survie a eu suffisamment de budget, a pu embaucher Blake Lively pour être un film de cinéma. Donc, c'est un film de cinéma à l'heure où le thriller de requin n'a plus sa place au cinéma. Je sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter parce qu'on a peut-être du thriller de crocodile aussi qui marche bien. Le Leg Placid, par exemple. C'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai. C'est un bon film. Oui. Non, c'est pas un bon film. Mais dans le genre, c'est bien. Crocodile. Mais pareil, ça fait genre un peu nanar quand même, quoi. Et moi j'adore ce genre de film en fait. On passe à Nocturama, film français de Bertrand Bonello. Alors cette péloche retrace le parcours des jeunes de différents milieux sociaux ravagés par l'envie de se révolter qui commettent des attentats à Paris. Une fois les attentats commis, ils se réfugient dans les galeries Lafayette. S'ensuivent de longues heures de fête, de tristesse, de trac, de panique jusqu'à l'intervention de la gendarmerie française. Alors on n'est pas beaucoup à avoir vu ce film autour de la table, il n'y a que Antoine et moi, on y est allé un soir après un restaurant japonais il me semble entre copains. Tout à fait. On a passé un moment étrange parce que on a vu un film intéressant mais bourré de défauts selon nos deux avis. Oui. On va t'écouter Antoine sur le film et après je vais vite te poser une petite question. Ok, donc rapidement, ce film, il est assez intéressant sur le propos qu'il traite. C'est un film d'anticipation en fait sur les attentats et sur la société et sur la vision un peu des jeunes du monde d'aujourd'hui. Donc ça c'est assez intéressant. Après le film est monté tel un heist movie, donc un film de braquage, sauf que c'est très mal fait, qu'il y a beaucoup d'erreurs, qu'il y a beaucoup de choses qui sont inutiles, extrêmement inutiles, notamment tout le principe de se réfugier dans un magasin alors qu'on vient de commettre des attentats, ce qui ne sert à rien, sachant qu'ils sont cachés à peu près 4 heures derrière des meubles avant de pouvoir sortir la nuit et stresser dans un magasin fermé, ce qui ne sert à rien. Voilà. En fait, il y a beaucoup de scènes, on se demande pourquoi. Tout au début, donc on les voit préparer leurs attentats, on voit ensuite les infos qui disent que ça a explosé un peu partout dans Paris, eux se sont échappés dans les galeries Lafayette, on ne sait pas. On nous donnera jamais la réponse dans le film de pourquoi cette jeunesse a fait ça. Donc dans le synopsis, on nous dit qu'elle est révoltée. Ça veut tout dire et rien dire. Donc on a peu de réponses. Ce qui fait que c'est un film marquant mais bancal. Je pense qu'on a à peu près le même avis. Mais marquant, il nous a bien changé. Mais quand même marquant, on a eu de quoi en discuter après. Je pense que le film n'a pas trop marché à mon avis en France. Mais t'es pas fait pour ça. Enfin, c'est Mais il a eu sa petite notoriété de film indé en fait. Voilà. Mais je pense que c'est pas du tout le moment de faire un film sur ce sujet-là. Alors en fait, c'est vachement précis quand même. Ouais, sauf que moi, ce que j'ai entendu, je ne l'ai pas vu, mais moi, ça a été fait avant les attentats en fait. Peut-être que c'est pour ça qu'effectivement, c'est un film un film d'anticipation. Il est pas dérangeant. On est dérangé forcément parce que ça parle de sujets dont on est proche, mais on n'est pas en train de dire. Non, et puis c'est à mon avis, il a pas dû avoir beaucoup de spectateurs. Vu le pitch, il a une certaine notoriété quand même. Il y a des bonnes critiques. Si, je pense qu'il a quand même marché. Bon, c'est dur à dire. En tout cas, ma question c'était de savoir est-ce que les Français sont capables de faire des bons thrillers, tout simplement. Moi, je pense que oui. Je repense à des thrillers que. Alors, je me trompe peut-être dans le titre, mais je crois qu'il y avait un thriller que j'ai vu français qui s'appelle À bout portant. Ouais. Avec François Cluzet, non? Je sais plus si c'est François Cluzet. Non, je pense pas. Je crois pas que ça. Avec Gad Elmaleh et Lukaku. Sûrement. Ouais, c'est ça. Avec Gilles Leloup, Roche Dizem et Gérard Lanvin. Ouais, il était pas mal. J'avais bien aimé ce film. Et franchement, c'est vraiment un thriller de bout en bout. Bah après, il y a les classiques, on ne le dit à personne. Voilà. Ne dit à personne, il était vraiment pas mal avec François Cluzet pour le coup. Là, pour le coup, François Cluzet. Pour le coup, François Cluzet, ne dit à personne. Intouchable avec François Cluzet. Et après, il y a les petits mouchoirs avec François Cluzet. Non, mais ne le dit à personne, oui, mais c'est parce que c'est aussi l'adaptation d'un Harlan Coben, alors forcément. Oui, mais de toute façon, dans Esrire, depuis tout à l'heure, on a aussi des adaptations de romans, La fille du train et autres. Kamel, tu conclus sur cette. Toi, est-ce que toi. Dernièrement, il y a Elle aussi qui est. Voilà, qui a un bon thriller. Elle qui a un bon thriller, c'est vrai. qui était salué par la critique, et là pour le coup c'est une vraie réussite. Toi t'es le seul à l'avoir vu, je crois, Kamel, elle. Non, moi je l'ai vu aussi. Et dernièrement, il y avait aussi Un homme idéal avec Pierre Niney, qui était pas mal, qui est sorti. Ouais, l'écrivain qui volait les livres, c'est ça. Et pourquoi n'est-il pas sur ta petite liste? Bah, je le regrette, mais c'est pas sur ma liste parce que j'ai préféré mettre Bloodfather. Je pense que c'est... On va essayer de parler de Bloodfather. Donc Bloodfather, titre... le titre québécois de Bloodfather, à votre avis, c'est quoi? Le père sanglant. Père de sang. Père de sang. Ah. Donc c'est un film de Jean-François Richer, donc officiellement un film français. Et oui, c'est moche. Donc l'histoire... John Link est un ancien motard membre d'un gang, donc pas cliché du tout comme personnage principal. Absolument pas. Il s'est racheté une conduite après 9 ans passés en prison, en zonzon, en cabane. Sa fille Lydia, âgée de 17 ans, le retrouve afin qu'il la protège de trafiquants de drogue, narcotraficantes, qui veulent la tuer. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé de cette petite pépite autour de la table? Encore une fois, ex-motard, ex-alcoolique, ex-tolar. Ouais, c'est le chanteur de motorette. bah du coup pas Tristan, vas-y. Et après je donnerai la parole à Béa. Mais je ne l'ai pas vu. Et bah voilà. Super, on donne la parole à Béa. Le père sanglant. Moi je suis fâchée. Je t'en veux énormément, Thomas, parce que moi j'ai fait mes devoirs, j'ai voulu regarder tous les films. Donc j'ai vu Bloodfather et c'était une petite vanne que j'avais mis Bloodfather, mais oui, c'est un thriller. Fallait le dire que c'était une vanne. Non c'est terrible, c'est triste. Non, c'est très triste pour Mel Gibson qui a été un jour Mel Gibson. Retour de Mel Gibson. Non mais c'est une blague. Voilà. Le film quand même présenté au Festival de Cannes en 2016. Ouais, je crois qu'il était à l'ouverture, dans les séances tardives du Festival de Cannes. Moi, j'ai eu l'impression de louer une VHS, en fait. J'ai retrouvé un univers de films que je voyais quand j'étais petit. À la Chuck Norris. Ça réinvente rien. La Chuck Norris, ouais, c'est un petit peu ça. Voilà, c'est bourré de clichés, ouais, Schwarzy, tout truc. On a le truc. Vois l'affiche, déjà. Et si je devais le résumer, je dirais que c'est Taken, mais en pas bien. Tu me dois 1h30 de vie. De vie ? Oui, eh ben, débrouille-toi. Eh ben, j'ai bien une petite idée, mais je ne tiendrai pas aussi longtemps. Antoine, vas-y, qu'est-ce que toi t'as pensé de cette magnificence ? Non, pour moi, c'est un nanar pur. On est au-delà du thriller. C'est... Oui, mais un nanar sans l'humour. Enfin, oui, mais oui, non, mais... tu rigoles sur la fin ? En fait, ce qui est bien dans un nanar, c'est que c'est très premier degré, c'est que ça y croit à fond à son histoire alors que c'est nul. Et c'est que là, ils sont en mode... Ouais, bon, on sait qu'on fait de la merde. Vas-y, Kamel. Et du coup, c'est pas du tout clair. Alors, du coup, question, je l'ai pas eu, du coup, nanar ou navet? Non, c'est un navet. Il y a une phrase de nanar. On peut différencier nanar et navet, quand même. Ouais, c'est vrai. Voilà, ça se prend au sérieux, donc c'est pas un nanar, ouais. À un moment, la fille de Mel Gibson dit « C'est comment la prison ?» Et Mel Gibson répond un truc du genre « La prison, il y a une piscine et si t'es sage, tu peux faire un tour de poney. » Tu vois, des réflexions de second degré à la Mel Gibson. Quoi. Mais je pense que dans la vie, il est comme ça. Là, il est beau. Il est beau. Donc, ma question, est-ce que le thriller et le film d'action sont un bon mélange ? Béa. Oui, mais pas là. Là, c'est raté, mais oui, thriller et film d'action, il y en a beaucoup. The Game. The Game, par exemple. Depuis demain. Ouais, ou Speed avec Keanu Reeves. Enfin, ouais. Mais oui, parlons-en. Keanu. Son cousin breton. Donc, la réponse à ta question est oui. Parce qu'on parlait de The Game, qui est vraiment une dimension psychologique, on est aussi sur une manipulation, c'est un peu. Il y a un peu de ça. Oui, mais... Moi, je crois qu'on se recrée service. Comment tu dis ? C'est qu'on se recrée service, non ? C'est pas ça ? Je sais plus le nom de l'entreprise. C'est très beau. Ah oui, je sais plus. Bah, je parlais de Taken, justement, parce que je le trouve fortement comparable avec ce film, puisque c'est réalisé par un Français, alors que c'est un film complètement américain. On est sur l'histoire d'une fille, tout ça. Et Taken, qui est un film qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, dans la façon de tenir en haine, tout ça, c'est réussi, alors que dans Bloodfather, voilà, c'est moi, la traque, la poursuite, en fait, qui est intéressante. Et... Une vraie traque, là, on s'en fout, elle se fait poursuivre par... Le suspense. Oh oui, non, mais elle peut crever. Et puis, on s'attache tellement pas à elle, son personnage, on a juste envie de lui donner des claques. Ouais. C'est une action bateau, quoi. Enfin, voilà, il y a pas... Après, moi, je l'ai vu en VF, donc je sais pas si c'est mal joué ou mal doublé. Non, mais c'est plus rigolo en VF. Ah oui, en VF, c'est très drôle. Un bel accent espagnol, c'est pour ça que je dis narcotraficantes. Bah oui, c'est les gars, ils s'appellent tous Paul. Le père cinglin, ça, c'est encore mieux. Alpha cinglin. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on le disait au début du podcast, dans une définition qui est donnée par Wikipédia, le film, c'est du chipé autour de la table, le film d'action et le thriller peuvent être un peu proches, dans le sens où il peut y avoir des scènes de poursuite, des scènes de combat, mais dans un thriller, elle doit toujours être complètement différente d'un film d'action. On peut pas montrer une scène de combat juste pour la violence qu'il y a, c'est traité différemment. On passe tout de suite à 10 Cloverfield Lane. Donc 10 Cloverfield Lane, film de Dan Trachtenberg, connu pour avoir fait des films comme il a rien fait du tout à part 10 Cloverfield Lane. Donc l'histoire, une jeune femme se réveille dans une cave après un accident de voiture, ne sachant pas comment elle a atterri dans cet endroit. Elle pense tout d'abord avoir été kidnappée. Son gardien tente de la rassurer en lui disant qu'il lui a sauvé la vie après une attaque chimique d'envergure. En l'absence de certitude, elle décide de s'échapper. Je pense que Kamel a vu ce film. Oui. Donc, oui, vas-y. Oui, Thomas. Kamel, quel a été ton avis sur 10 Cloverfield Lane? Alors moi, j'ai pas vu Cloverfield par contre. Donc du coup, j'ai même pas lu le synopsis de 10 Cloverfield Lane. Donc du coup, j'étais vraiment dans l'intrigue à me dire, est-ce que vraiment à l'extérieur, il y a un univers complètement, enfin il y a vraiment une attaque d'extraterrestres ou pas? Donc du coup, le côté thriller, j'étais vraiment en attente à me dire, c'est vraiment un psychopathe ou pas? Donc voilà, en tout cas, le côté huis clos, j'ai vraiment. C'est un film que j'ai vraiment bien aimé, donc voilà, vraiment l'attention qui était présente. J'aurais pu dire que c'était un bon film si j'avais pas vu la fin. La fin, ouais. Voilà, de la meuf super-héros qui, grâce à une bouteille de whisky, arrive à. Et une voiture, une Twingo. Et ouais, un briquet big. On peut faire plein de choses. À réussir à détruire un réseau spatial, quoi. Ouais. C'était pas une scène obligée. J'aurais bien aimé que ça se finisse juste sur. Elle se rend vraiment compte que le mec avait raison, bien que ça soit quand même un psychopathe, ça aurait été nickel. Voilà. Sinon, voilà, la tension était bien présente pendant tout le film. Voilà, j'ai bien frissonné. Voilà, c'est un vrai thriller. Et puis, on remarquera aussi la prestation d'acteur. John Goodman. De John Goodman. Qui fait vraiment carrément flipper dans ce film. Ouais, carrément. Donc, est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire sur ce film avant qu'on passe à ma petite question? Non, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Je trouve que c'est quand même le film où que c'est calé à tes commandes dans le petit abri. Et puis voilà. Franchement. C'est vrai que c'est une part importante du film. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Non, moi je voulais juste dire. Enfin, donc oui. Moi j'ai vu Cloverfield, mais en fait j'ai pas du tout fait le lien. Donc j'ai pu le regarder. Comme toi, moi je suis comme toi. Ouais, j'ai pas. Et je regrette. Bah oui, du coup, c'est vrai que en le sachant, j'aurais peut-être vu le film autrement, mais ça m'a permis d'apprécier énormément tout le film, notamment toute la partie huis clos, et du coup d'être surprise et déçue de la fin. J'aurais préféré qu'elle sorte et limite que on sache pas ce qui se passe vraiment et qu'on sache jamais. Ou alors on voit des extraterrestres, ça se termine. Moi, ça m'aurait pas dérangé s'il y avait uniquement le paysage apocalyptique avec les vaisseaux, ça se termine là. Pas qu'elle sorte en super héroïne. On pouvait partir sur une interrogation. Mais en tout cas, quand on sait que c'est dans l'univers de Cloverfield, je pense que ça pardonne pas mal de choses. Ma question sur le film, donc, c'est lorsque l'on entreprend de faire un thriller, est-ce que faire usage du huis clos est un recours à la facilité? Petite question dont je veux une réponse de Tristan. Allez, Tristan, c'est toi qui commences là-dessus. C'est peut-être de la facilité parce que c'est assez connu comme principe, mais ça fonctionne. Enfin, dans tous les cas, les meilleures parties de films, on en parlait tout à l'heure avec Room, c'est des huis clos, de thriller, c'est des huis clos. Ouais. Mais sur le huis clos, du coup, alors peut-être Antoine, est-ce que tu penses que c'est un recours à la facilité de faire un huis clos dans un thriller ? Ou peut-être un gage d'efficacité, hein, ça. Non, je serais plus sur un gage d'efficacité parce que c'est. Le huis clos, ça reste un exercice difficile au cinéma de construire un bon huis clos qui se tient et qui est pas juste vide de sens, quoi. Enfin, les exemples sont légion de huis clos qui fonctionnent pas, donc. Non, là, je trouve que ça fonctionne et que c'est beau. Et est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Même si le twist est nul. Peut-être Béa qu'on n'a pas entendu. Ouais, mais je suis en fait d'accord avec Antoine. C'est pas du tout de la facilité. Le huis clos permet de justement d'avoir des rapports entre les persos humains, très forts, puisqu'ils n'ont que pour faire vivre l'histoire. Donc, et ça, surtout s'ils ne se connaissent pas, c'est si encore c'est, plus ouf. Tu donc, vois. Si comme c'est le requin et Black Tail. Donc si c'est. Depuis si que le requin réussi, a arrêté le macramé et qu'il est devenu vegan. C'est plus le même homme. C'est plus le même requin. Après, c'est pas parce que c'est du déjà vu que c'est facile. Quoi. Parce qu'il peut y avoir des huis clos psychologiques. Enfin. C'est pas forcément enfermé dans une pièce, du coup il peut y avoir des huis clos beaucoup plus intelligents et beaucoup plus bien sûr. Fight Club, c'est une forme de huis clos. Exactement. Un huis clos à l'intérieur. Je sais pas si Béa, t'avais encore quelque chose à rajouter ? Non, on m'a coupé donc. On est là pour ça. Et bah du coup, on va aller faire un petit voyage en Corée avec The Strangers. Film de Na Hong-jin. Donc le personnage Jong-go, policier dans la petite ville de Gokseong, est confronté à des meurtres très violents commis par des personnes qui semblent soudainement prises de démence. Au fil de ses investigations, la rumeur le conduit à soupçonner un japonais qui vit isolé dans une forêt. Alors, je n'ai pas vu ce film, c'est le seul pour lequel j'ai pas bien fait mon travail. Oh. Donc, vie ma vie. C'est dommage, c'était le meilleur. Vie ma vie de camel, c'est ce que je suis en train de vivre. On va écouter, je crois que c'est Béa, Tristan et Antoine qui ont vu ce film. Tout à fait. Allez-y, qu'est-ce que vous en avez pensé? Vas-y, Antoine, tu as eu ton coup de cœur. Non, moi j'aime vraiment ce film, mais j'aime aussi beaucoup globalement le cinéma étranger, notamment le cinéma asiatique. Je trouve qu'il traite très bien les sujets et la façon dont la psychologie des personnages est traitée et gérée. Et il y a de très belles scènes, il y a de très belles idées. C'est à la fois drôle sur certains moments parce que ça joue en fait sur la précarité du village, en fait le côté totalement burlesque. C'est un peu un thriller burlesque d'une certaine manière. Parce qu'en fait, on joue sur un petit village totalement paumé, où il n'y a pas grand-chose, qui se retrouve à des choses qu'ils ne peuvent pas gérer. Et en fait, c'est très bien amené. Tout est très bien amené. On suit un héros qui est totalement un loser, mais un loser fini, et tout le monde le considère comme un loser, mais c'est magnifique. La fin est vraiment très intéressante, mais pour le coup, ça, j'ai pas envie de le spoiler parce que j'estime qu'il faut le voir. Je pense que c'est le film des disques qu'il faudrait voir. Bien. Alors moi, contrairement à Antoine, la fin, j'ai pas du tout aimé. Ouais. Néanmoins, j'ai beaucoup aimé ce film. Mais j'aime le cinéma coréen et j'aime ce mélange de genres qui fait que oui, on est sur un thriller pur. Là, il y en a beaucoup quand même. Il y a beaucoup de gens, mais c'est vrai qu'on passe, on rit, les personnages, le jeu des personnages est très exagéré. On a effectivement un héros qui est finalement un loser, donc il est drôle. On a du fantastique, on a du policier. Donc il y a beaucoup beaucoup de choses, mais j'ai trouvé un peu long. Mais c'est, j'avoue que dans la sélection, c'était un très bon film. C'est un peu une bouffée de respiration. Tristan? Non, j'ai vraiment bien aimé. Le film m'a tenu en haleine, même s'il est plutôt long. C'est ce que je pourrais lui reprocher. Et comme on disait, trop d'accumulation de genre. Mais voilà, il y a vraiment des scènes marquantes dans le film. On se marre quand même pas mal dans le film, dans la première partie. Et non, chouette film. Mais par contre, voilà, le côté religieux à la fin, moi j'étais un peu déçu par la fin. Je suis pas trop fan des films qui se terminent en religieux comme ça. Et voilà, enfin, on a Kamel qui se bouche les oreilles parce qu'il veut voir le film et il l'a pas vu. du coup, il veut pas savoir. C'est mignon. Donc pour servir Kamel. On a pas spoilé. Non, on a pas spoilé. Vous avez été propre, mais vous êtes des gens propres. Alors, la question sur The Strangers. Vous m'avez parlé d'une accumulation de styles, d'humour, tout ça, alors qu'on a un petit peu dit que l'humour et le thriller n'allaient pas forcément ensemble. Ma question, c'est est-ce que le renouvellement du genre passera par le cinéma étranger? Béa? Je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment une spécificité du cinéma coréen et on les retrouve dans d'autres films. Types de films qui ne se prétendent pas des thrillers. Donc, ils peuvent faire encore plein de thrillers très bien, mais par contre, je ne pense pas que ce soit par eux que sera renouvelé le genre, si je dois répondre à la question. Très bien. Tristan. Non, je suis d'accord avec Béa. Je trouve qu'ils ont vraiment quelque chose à eux. Et c'est indépendant du thriller, quoi. En fait, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir avec les autres, notamment les autres films dont on parle ce soir. Mais ouais. Ils ont vraiment un truc à eux. C'est unique au monde. Et voilà. Enfin, c'est chouette. Et il y a vraiment des bons réalisateurs sud-coréens et des très bons films que je vous encourage à voir. Ouais. On va peut-être maintenant passer. Je vais me faire foutre. Très bien. Et bonsoir. J'aime bien qu'on me marche sur la gueule. Vas-y, Antoine. Merci Thomas pour ce temps de parole. Moi je pense que justement, au contraire, le cinéma occidental devrait s'inspirer un peu du cinéma coréen parce qu'il développe une esthétique, il soigne ses scénarios, il essaie d'aller plus loin et de jouer vraiment sur la psychologie des personnages. C'est quelque chose qu'on a de moins en moins puisqu'on va beaucoup plus dans un cinéma d'adaptation ces derniers temps. Ou à essayer d'adapter plus des bouquins ou autres. Bon, ça peut être très intéressant. Il y a des bouquins qui sont très bien écrits. Mais par exemple. Là, il y a une forme d'originalité qu'on a un peu perdue ces dernières années. Voilà. Voilà, c'était pas du tout la question, mais c'est une belle réponse. On va passer à Nerve. Nerve, le film de Henry Jost et Ariel Schumann. Et oui, il a fallu être deux pour faire ça. Donc dans ce film, Nerve est un jeu... à 3 millions de dollars. 3 millions, ouais, bah encore, ça passe. Dans ce film, Nerve est un jeu en ligne sur mobile qui propose deux options. Être voyeur, on paie pour voir des gens jouer, ou joueur, les joueurs doivent réaliser des défis et se font payer. Vie, c'est son prénom, une adolescente timide et effacée. dans ce film, hein, parce que Nana comme ça en France, ce serait la bonasse du lycée. Donc Vi est poussée par ses amis à jouer au jeu pour prendre plus de risques dans sa vie. Son premier défi, un simple baiser, va lui faire rencontrer un autre joueur avec qui ils vont vivre des péripéties. Vous voulez donner votre avis sur ce film ? Oui, rapidement. Ouf, ouais. Rapidement, c'est une très bonne pub pour Google, et voilà. C'est tout. Et non, si, Spotify aussi. Ils font des pubs pour Spotify, Google. Non, en fait, ce film est un placement de produit. Non, mais c'est un thriller pour teenagers. Ce n'est voilà, pas un thriller. Et c'est très bien. Mais non, t'as 15 ans, tu prends ça comme un thriller. Et c'est très bien. Ça. Voilà. Moi, je ne l'ai pas vu, mais à mon avis, ce qui est bien dans ce film, c'est juste que Dave Franco est le frère de James Franco. Oui, voilà. Oui, c'est important. Et je pense il est pas mal. Ah, depuis tout à l'heure, en tant on parle qu'acteur, de bonasse, exactement, mais je peux vous dire qu'il y a aussi bien. Des beaux mecs dans le cinéma. C'est la même t'as vu ton côté jouer avec Kim Phoenix tout à l'heure? Non, c'est les non mais ce film m'a pas du tout donné envie de regarder. Non, enfin, ça paraît rempli de clichés. Et c'est juste voilà, un teen movie comme les autres. Et, oui, il n'est pas comme les autres. Il n'est pas cohérent d'un coup en sous. Il n'est pas comme les autres. Il est vachement moderne. Il se base sur une mécanique méga efficace, ce petit jeu. Et si, mais c'est juste un thriller. Mais oui, en c'est fait, un thriller. C'est un thriller. D'accord, pour ado. T'as une menace invisible tout le long du film. Ça part de plus en plus en vrille. On est tenu en haleine. On ne sait pas trop ce qui va arriver. Même si on peut s'en foutre. Mais non, mais même à la fin, on comprend toujours pas. Enfin, il donne aucune explication valable. Et si tu veux quelque chose, non, mais vraiment. Et si tu veux quelque chose un peu. C'est la minute relou. Vas-y, on va. Non, et rapidement. Si tu veux quelque chose qui... Je suis désolé, mais Black Mirror fait beaucoup mieux sur l'utilisation des... Mais non, tu peux pas comparer. Mais c'est un film, ça a un beaucoup plus de budget que Black Mirror et c'est moins bien. Donc non, voilà. Oui, mais c'est pas la même cible du tout. Oui, ouais. Je suis d'accord, c'est pas la même cible, mais pas une raison pour prendre les adolescents pour des cons. Et voilà, c'était le coup de gueule. Voilà. J'ai pas trop aimé ton petit ton, Antoine. Non, je vais me mettre nu. Ça ne résoudra rien, mais ce sera peut-être agréable. La question sur ce film, un teen movie peut-il être un bon thriller? Alors moi, j'ai pas énormément d'exemples en tête. Antoine, tu dis non, alors on va t'écouter. Non, moi au contraire, je dis oui. En fait, faut juste arrêter de prendre les gens pour des cons. Enfin, c'est pas parce que t'as 15 ans que t'es obligé de voir... La scène de la grue était pas mal. Avec un mec qui court à moitié à poil juste pour travailler ses hormones. Non, il faut arrêter de prendre les jeunes pour les cons. Et la scène de la moto à l'aveugle m'a subjugué. Ouais, bah, voilà. J'ai vu que la bande annonce. La scène de la moto à l'aveugle. Oh là là. Non, voilà, et c'est très cliché et autre. Et Dave Franco est le frère de James Franco. Et Dave très important. Non, franchement. Et très joli. Il y a moyen de faire des belles choses, faut juste en donner moyen. Et je pense que faire de la qualité, c'est... Alors ça m'énerve vu son comportement depuis 3 minutes, mais je suis assez d'accord avec lui. Oui, on peut faire un bon thriller. Et il se trouve que ça, c'est pas un très bon thriller pour teenager. Mais par rapport à ta question, oui, bien sûr, on peut pourrait très bien faire des... Et je pense que bon, dans les films teenager qui sortent... Non mais souviens-toi l'été dernier, par exemple. Alors, je sais pas si vous considérez ça comme un thriller, mais ça reste plus correct. Un film d'horreur, mais oui. C'est un slasher, donc c'est... Ben on va conclure là-dessus. Ouais, et on a fini donc notre monde de Zeus avec notre petit tour des 10 films qui ont fait les thrillers. Et on va passer tout de suite à la troisième partie de l'émission, le You Fuck My Wife. You Fuck My Wife. What? You Fuck My Wife. Le You Fuck My Wife, donc après avoir vu 10 films d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à vos références autour de la table. On a défini ensemble le thriller, donc pour vous. Mes petits potes, quels sont vos thrillers de référence et pourquoi? On va commencer par Kamel. Tiens, Kamel, quel est ton thriller de référence ou tes thrillers de référence? C'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas réfléchi. Non, bah alors après, je suppose qu'on peut considérer Fight Club comme un thriller. Ça, Fight Club, c'est considéré thriller, comme un thriller, hein. Moi, je ne le considérais pas comme un. Peut-être un thriller psychologique, c'est comme ça que c'est défini. Je dirais, bon, allez, si je devais en choisir un de référence, je dirais Fight Club. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi ce film? Le twist, le... Eh ben, déjà tout le scénario, après le twist final, hein, justement, qui est, comment dire, assez surprenant. La qualité de jeu des acteurs. Après, évidemment, tout ce qui est traité en filigrane, évidemment. Et qui n'aime pas Fight Club autour de la table? Qui n'aime pas Fight Club, ça c'est la question. Ah oui, choisir un truc assez facile aussi. Hein. Non, mais... Pour moi, c'est... Ouais, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on sorte de psychologique de référence. Très très bon. Antoine? Toi, quel est ton thriller de référence? Moi, je partirais sur un petit Old Boy ou un petit Memento. Ouais. Voilà, c'est deux films qui traitent très bien la psychologie humaine, techniquement, enfin, les dérives de ces personnages-là et tout ce que ça amène et conséquences associées. Et c'est une construction magnifique où, en fait, tout est révélé à la fin et où tout s'enchaîne et où tout prend sens, enfin. par rapport au mot-clé qu'on a dit au début de l'émission. Il n'y a pas Keanu Reeves, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce que tu retrouves du coup du thriller, les rebondissements? On va prendre Memento. Ça va être, on va s'inquiéter pour le personnage. Ouais. On va s'inquiéter de ce qui peut lui arriver, de ce que les, en fait, parce que Memento c'est l'histoire d'un homme qui ne se souvient, qui n'a plus de mémoire immédiate. Du coup, il se tatoue sur la peau tous ses les plans de la prison. les plans de la prison comme dans Prison Break. Tous ses souvenirs les plus récents, il essaie de retrouver le meurtrier de sa femme. Et en fait, il le sait, il le dit lui-même que des gens parfois profitent de son handicap. Et on va être avec lui durant toute l'histoire jusqu'au bout, avant d'avoir un twist final, mais que je réserve pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais qui vaut vraiment le coup. Ok, voilà. On passe à Béa. Béa, c'est quoi ton thriller de référence? Ça a été tellement dur de réfléchir à ça. Moi aussi, je suis dur quand je réfléchis à toi, Béa. C'est le moment... Le moment gênant. C'est le moment grosse tête de l'émission. Non, je ne sais... Non, vas-y, laisse, je suis fière. Non, je me suis arrêtée finalement sur les dents de la mer. Qui est plutôt basique, mais... Tu veux dire instinct de survie? Non, je veux dire les dents de la mer de Steven Spielberg. Puisque même encore aujourd'hui, dès qu'on fait tin, bah, tout le monde sait, c'est tout le monde a peur, tout le monde frissonne. Les Goonies. Voilà. Ah. voilà. Mais c'était compliqué de faire un choix. Mais je resterai sur les dents de la mer avec pour les raisons que j'ai dit au départ, qui est le frisson. Et le requin avait pris des cours de chant à Carmandel. Non, j'ai l'impression que vous ne me prenez pas au sérieux sur cette question. Carrément pas. Cette question. Les dents de la mer, c'est juste le summum pour moi de oui, non, oui. Je suis complètement d'accord. Je te remercie bien. Non, ça a été. J'ai vraiment hésité avec Shining, mais Shining pour moi est plus un film d'épouvante. Et vu que c'est le choix de Tristan, ça tombe bien. C'est pour ça que je le fais exprès. Quelle transition. Épouvante horreur, si tu veux. Mais avant tout, c'est un thriller. Et Antoine parlait de dérive psychologique, et pour moi le film qui caractérise le plus la dérive psychologique, c'est Shining de Kubrick. Et voilà, c'est un de mes films préférés. C'est la référence des huis clos. Puis t'es fan de Jack Nicholson, toi? Bah là, c'est le summum de sa carrière, je trouve. C'est un de ses meilleurs. C'est films. Son chat au pantin. Tout qui vient de nulle part. Non, c'est son banzai. C'est la référence des huis clos. Et voilà, la folie, ouais. La tension, l'intrigue, le petit garçon flippant qui n'a fait aucun film derrière, hein, parce que c'était, ouais. Pour la petite anecdote, c'est son seul film. C'est son maman, j'ai raté l'avion. C'est son maman, j'ai raté l'avion, sauf qu'il n'est pas tombé dans la drogue ni l'alcool. Puis il y a eu Richie Rich quand même. Faut entre les deux. Ouais. Et non, voilà, Shining. Tout simplement. Shining. Eh bien, je vais rejoindre quelqu'un. Sur la table avec c'est pour ça que je t'ai pas fait parler de ça. Moi je suis sur All Boy. Ah bah oui. All Boy forcément. Donc on a parlé un petit peu de Corée. La Corée magnifique. Nous sort des choses magnifiques en cinéma. All Boy pour moi c'est le thriller parfait, simplement parce qu'on a un twist, et là ce twist il est introuvable pour moi vraiment. C'est peut-être pas une bonne chose qu'il soit introuvable, mais bon. Ouais, on a cette scène de sa jeunesse. Pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais on a un tue jusqu'au bout, et on est surtout, on a autant d'informations que le héros. Donc le héros il est enfermé dans une pièce pendant 10 ans je crois, et quand il en ressort il cherche à trouver qui sont ses geôliers, et le seul indice qu'il a c'est les raviolis qu'il a mangé pendant tout son séjour. Il est enfermé. Voilà, donc pour moi ça c'est la quintessence du thriller, et je rajouterai un petit Scorsese avec Shutter Island, parce que bon, certaines personnes avaient deviné le twist final, et ouais. Moi je l'ai pas deviné du tout. Je me suis fait complètement. Pareil que toi. T'as pas deviné sur Shutter Island? Non, du tout. Non. Et c'est ça. Sur mon visionnage, j'ai pas du tout deviné. C'est difficile à deviner quand même. Bah, c'est chaud, mais. Sur Shutter Island, il y a des gens qui t'ont fait chier sur le twist. Moi, les gens m'ont plus emmerdé sur, tu sais, la toute fin, la dernière scène, avec. Avec la pièce qui tourne là? La toupie qui tourne? Ouais, avec la toupie, c'est ça. Et puis le vélo qui vole dans le ciel vers la lune, tout ouais, ça. Oui. Non mais. Il était un peu fragile ce bateau, quoi. Ça manquait de saumon. C'est une entorse à la loi Sherman. Alors seul des vrais savent. C'est une réplique de Titanic pas très connue. Moi pour moi, voilà, je dis ces films parce que se faire complètement piéger et retourner, Seul le thriller est capable de ça, et c'est un peu une conclusion que j'ai envie de donner à ce podcast. Seul le thriller est capable de nous retourner comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez autour de la table, mais pour moi, il n'y a pas d'autres films qui sont capables de nous retourner à part. Tu veux faire une blague sur les films porno? C'est le moment qui veut aller dessus. Voilà, quelqu'un a quelque chose à rajouter? Ou on passe à la séquence d'après? On peut passer à la séquence d'après? Eh ben, on passe tout de suite aux pilules bleues et aux pilules rouges. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Pilule bleue, pilule rouge, c'est un peu ce que j'ai envie d'appeler le moment d'Antoine de l'émission. On a deux films devant nous. Le Silence des Agneaux de Jonathan Demme, sorti en 1991, et Seven de David Fincher, sorti en 95. Tout à fait. Et Antoine a préparé un petit jeu là-dessus. Exactement. Je me suis inspiré du fameux sel ou poivre du Burger Quiz, qui consiste à prendre donc deux choses et former deux équipes. Donc j'ai demandé de former une équipe entre Thomas et Béa. Donc on va avoir Thomas et Béa d'un côté, et on va avoir chouette. Exactement. Et on aura Kemel et Tristan de l'autre, et ça changera peut-être d'émission en émission. Je précise qu'on a un micro pour deux. Oui, voilà. Avec Tristan. On l'a mis dans un bol. Je triche un peu. Donc le principe est simple, ce sera soit je vais vous faire des propositions. Entre la bourgeoisie, pardon. Oui. Je vais vous faire des propositions et vous pourrez répondre soit le Silence des Agneaux, soit Seven, soit les deux. Ça et marche. Tu nous donnes la parole ou Ce sera au premier qui prend la parole. D'accord. Okay. Et il y a des points. Je veux pas de pouvoir en plus. Parce que t'as un beau micro. Donc j'ai préparé 6 propositions pour aujourd'hui. Ça va être donc le bordel. Alors, donc le Silence des Agneaux, Seven ou les deux. Il en perd la tête. Seven. Le Silence des Agneaux. Les deux. Les deux. Non, c'est le Silence des Agneaux, parce qu'à la fin de Seven, il retrouve la tête. Ah. Donc un point pour... Un point pour l'équipe de Tristan et Kamel. Il a du sang sur les mains. Les deux. Les deux. Non, Seven, parce que dans le Silence des Agneaux, on se lave les mains avant de manger, les gens. Hein, voyons. Je vous rappelle que dans Seven, Kevin Spacey arrive dans un commerce. C'est tellement dommage qu'on soit pas filmé et qu'on voit ton petit sourire débile. Je suis tellement narquois. Très content de ces blagues. Oh là là. Je suis trop bien content. Ce jeu. Il y a du suspense pour savoir qui va gagner. Hein. On se croirait dans un thriller. Il a la barre de fer. Seven. Et bah en fait c'est non, non, non, oui, parce que Hannibal Lecter ne manque pas de fer. Hannibal Lecter ne manque pas de fer, et dans Seven, la luxure. Voilà. Oui, qu'est-ce qu'il y avait? Non, mais moi j'avais pensé au barreau. Oui, ou au barreau, ou la prison, tout ce que tu veux. Et là, oui, non, mais voilà. Attention, ça part en mode what the fuck. Ça fait des bulles. Aucun des deux. Le Seven Up. Perdu. On peut s'y promener en forêt. Le Silence des Agneaux. Non, les Cévennes. Perdu. Il est con. C'est long, c'est tendre. And very good with mushrooms. Le Silence des Omelettes. Non. Ah. Bah l'agneau, une tourte à l'agneau. Le Silence des Agneaux de Seven Hours. Je comprends même pas ça. Non, en fait, ça c'est, on est d'accord que c'est la partie non validée, non travaillée, c'est ça. Ah, okay. Je suis en roue libre là-dessus. Non, okay. C'est un agneau de 7 heures, mais mi français, mi anglais. Oh putain, ah oui, il y en a de 7 heures. Mais oui. C'est beau. Et eh ben moi, c'est fini là. S'il te plaît. Mais j'ai pris mon kiff. Si tu me fais gagner, je garde cette chronique dans l'émission. Eh bien, tu gagnes, Thomas. Un pity cruiser. Et j'ai aimé cette chronique, vraiment. J'ai aimé cette émission. J'ai une conclusion à faire sur l'émission quand même. Je trouve que vous êtes des belles personnes. Et je tenais à le dire. Tu n'es pas mal non plus. Bah, merci. Toi aussi, Timothée. On a fait le tour du thriller d'aujourd'hui. Peut-être celui de demain. En tout cas, on en a parlé. On espère qu'on vous a donné envie d'aller voir des films. On se retrouve le mois prochain avec un autre sujet. Et en attendant, on essaye de se choper dans les salles obscures tous ensemble. À bientôt. À bientôt, Thomas. À bientôt, Thomas. Bisous, Thomas.